Quel temps va-t-il faire, Dominique? Bonjour. Bonjour. Demain, des nuages sur l'ouest et même une averse possible à la côte, mais des éclaircies sur le sud et l'est du pays. Tout cela en douceur, 22 à 25 degrés. Notez qu'une zone de pluie assez active arrivera dans la nuit de samedi à dimanche avec un renforcement du vent. Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Il n'y aura qu'un titre dans l'actu ce soir, évidemment. CAT quitte Charleroi, l'entreprise Caterpillar, 2200 emplois, ferme son usine de Gosselies. On a les jambes coupées, on ne comprend pas. Après tous les efforts qu'on a fait, je ne comprends pas pourquoi on ferme une société comme ça. L'annonce a littéralement secoué tout le monde, les travailleurs, les syndicats, les carolos. Nous serons en direct avec nos équipes à Charleroi dans un instant. La fermeture de Caterpillar risque aussi de faire beaucoup d'autres dégâts. Certains évoquent 3 à 4 000 emplois indirects condamnés par le départ de l'entreprise américaine. On fait le point dans un instant. Les responsables politiques se sont mobilisés dès ce matin. Le Premier ministre parle d'une union sacrée entre responsables régionaux et fédéraux pour gérer la situation. Le ministre-président wallon, bourgmestre de Charleroi, lui, dit qu'il ne se laissera pas faire. Un espoir de retrouver du travail existe chez Caterpillar. Lors de la dernière restructuration en 2013, de nombreux travailleurs ont retrouvé du boulot. C'est un véritable séisme et on en parle dans ce journal présenté par Manu Delporte. Bonsoir Manu. Bonsoir Cyril. Caterpillar vient donc d'annoncer la fermeture de son usine de Gosselies. Oui, 2200 personnes vont perdre leur emploi et les dégâts collatéraux s'annoncent lourds. Les sous-traitants sont menacés. Toute la vie économique autour de Caterpillar va souffrir et d'ici quelques mois, les 98 hectares que recouvre cette entreprise seront forcément bien vides. L'entreprise sortait déjà d'une lourde restructuration. Jean-Marie Osselet, délégué CSC, il parle aujourd'hui d'apocalypse. La première restructuration était un tremblement de terre. Ici, c'est l'apocalypse pour toute la Wallonie. Ce n'est pas Gosselies qui est concerné, c'est tous les sous-traitants. Vous pouvez multiplier par deux les conséquences qui vont se passer ici à Gosselies. Cathy Verag du SECTCA revient, elle, sur ce fameux conseil d'entreprise extraordinaire de ce matin. Le directeur, dit-elle, faisait une tête jusque par terre. Limite, il pleurait. Les autres n'ont même pas osé venir. Dans la salle de réunion, en fait, tout le monde se taisait. Tout le monde était vraiment choqué, ému. Personne ne parlait, donc ça a été tellement un coup de massue qu'on ne savait pas trop quoi dire. Plusieurs directeurs qui sont présents à chaque conseil d'entreprise n'ont pas osé être là. Moi, j'ai trouvé que c'était de la lâcheté. Des propos recueillis par nos équipes ce matin à Charleroi. Alors avec nous à Charleroi, Maxime Paquet, bonsoir. Bonsoir. Vous étiez, vous, ce matin à Gosselies. Hein. L'annonce a réellement fait l'effet d'une bombe. Ça s'est passé comme le raconte cette déléguée syndicale, un communiqué en anglais et puis plus rien. Oui, c'est un peu ce qui semble s'être déroulé hein, à l'américaine littéralement. C'est pas la direction locale qui fait ce genre d'annonce, mais bien des émissaires du groupe Caterpillar en l'occurrence. Et puis c'est le couperet qui tombe, la décision qui est annoncée. Et un couperet à tel point que la plupart des cadres et des employés sonnés ont juste très vite pris leur voiture et ont tout simplement quitté les lieux, je dirais, dans la demi-heure. Oui, comment réagissent justement les travailleurs, les délégués syndicaux aussi? On aurait pu craindre le pire après une annonce pareille. Finalement, beaucoup de retenue. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein, de la colère, oui, mais oubliez très vite d'éventuelles images de débordement, de saccage ou de révolte, hein, rien de tout ça. Une partie des ouvriers est restée plus longtemps sur le site. Ils ont bloqué une des sorties, surtout pour s'assurer qu'aucune des machines de chantier, hein, les fameuses machines jaunes siglées CAT, ne quittent pas le terrain. Mais s'ils sont restés plus longtemps rassemblés sur leur lieu de travail, c'est aussi pour pouvoir se parler, évacuer un peu entre eux du poids de cette catastrophe qui vient de leur tomber dessus. Merci Maxime, on vous retrouve dans un instant dans les rues de Charleroi. En tout cas, cette nouvelle, eh bien, elle a surpris hein, pas mal de monde, bien que certains se doutaient de quelque chose. Moi, je m'en doutais. Hein. Il y a longtemps qu'ils en parlent. Hein. Encore des gens qui n'auront pas de boulot et qu'on ne sera pas recasés. Ils ont tout fait pour. En attendant, ils ont eu de l'argent. La région Wallonne, ils ont eu de l'argent partout et ils s'en vont avec en attendant. C'est un coup dur pour Charleroi. Oh, oui, bien sûr. Ouais. Pour les pertes d'emploi et moralement. Hein. On a beau faire tout ce qu'on veut pour relancer la ville et puis il n'y a rien à faire. Hein. C'est la catastrophe pour Charleroi. C'est fini, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus rien. C'est la catastrophe. Pensez jamais ça comme diminution de personnel peut-être bien, mais... C'était un gros fleuron. Hein. Oui, c'était. Maintenant, il n'y a plus rien, c'est mort. C'est malheureux. Hein. Encore des emplois, les sous-traitants aussi qu'il y a. Donc voilà quoi. Très triste. La région s'en va. Tout s'en va. Des propos recueillis ce matin par Sarah Deveau. Alors Maxime, comment la direction de Caterpillar justifie-t-elle cette décision? Les travailleurs s'étaient déjà fameusement serré la ceinture lors de la dernière restructuration. Pas assez, manifestement? Alors Caterpillar invoque aujourd'hui une demande en recul au niveau mondial et une volonté du coup de réduire sa capacité de production et ses coûts de fonctionnement. Pas assez serré la ceinture, ça dépend pour qui évidemment. Les travailleurs, eux, ils ont bien l'impression d'avoir fait des efforts. Il y a ceux qui sont partis en 2013-2014, après la première vague de licenciements à Gosselies. Ceux-là, ils ont l'impression aujourd'hui d'avoir été sacrifiés, hein, en quelque sorte pour rien, si vous voulez. Ensuite, il y a ceux qui travaillent au jour le jour chez Caterpillar et qui, depuis 2013 et cet énième changement de gestion, de management, relatent souvent une détérioration de leur environnement de travail, pour partie d'entre eux, hein, en tout cas. Alors, comment ça va se passer maintenant, Maxime? L'entreprise, elle va tourner normalement jusqu'à la fermeture, qui est prévue quand? Avril, juillet 2017? C'est pas très clair. Hein. Alors, je pense qu'on prend pas trop de risques si on dit qu'aujourd'hui, non, la vie de Caterpillar Gosselies dans les semaines qui viennent ne sera pas un long fleuve tranquille. Il faut rester prudent avec ce genre de délai. Avril, juillet 2017, donc c'est effectivement les chiffres, hein, officiels de ce vendredi après-midi tels qu'ils ont été communiqués par Caterpillar au SPF Emploi et au Forum. Donc de avril à juillet 2017, période de licenciement pour 2101 emplois. Voilà encore un autre chiffre triste et officiel. Mais voilà, les négociations, ça peut parfois prendre plusieurs mois. Alors ce qui est sûr, on l'apprend aujourd'hui, c'est que la décision, elle n'a pas été prise sur un coup de tête à Caterpillar. Hein. Oui, c'est le responsable financier, hein, du groupe, donc c'est Mark Thompson qui a parlé de 7 jours, une semaine, donc c'est le délai depuis lequel les dirigeants locaux de Caterpillar étaient au courant de ce qui allait se passer. Mais le plan de restructuration, lui, il était annoncé depuis septembre 2015, hein, avec l'intention de supprimer 10 000 emplois. On rappellera aussi que les plans de restructuration chez Caterpillar, c'est un peu une constante. Depuis 2012, le groupe a supprimé près de 31 000 emplois à travers le monde. Ouais, merci Maxime, on va y revenir. Et ce qui inquiète, on l'a dit, au-delà de cette fermeture, c'est qu'elle aura des conséquences en cascade. L'entreprise travaille avec de très nombreux sous-traitants. Natacha Stragier, est-ce qu'on sait à l'heure actuelle combien de personnes risquent d'être concernées par cette fermeture? Eh bien Manu, ce n'est pas encore très clair. Les chiffres varient beaucoup selon les sources. Le plus petit nombre évoqué, c'est celui d'Agoria Wallonie qui parle de 3600 pertes d'emplois. 5000 en tout, selon le comité de développement stratégique Charleroi-Sudénot. Mais le gouvernement wallon, l'Union des classes moyennes et les syndicats parlent de 6000 emplois qui sont directement menacés, car ce sont des centaines de sous-traitants et d'indépendants dont l'activité est liée à Caterpillar. Michel Gretzel est permanent CSC Transcom. Au niveau du transport et logistique, j'ai deux sous-traitants qui travaillent en direct, plus aussi une autre sous-traitance qui est Carwal, qui est un site indirect. Donc moi, j'ai trois entreprises qui sont concernées, qui représentent à peu près 350 travailleurs. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu des réactions chez ces sous-traitants? Mais on apprend par exemple que chez Carwal, à Sombreffe, où travaillent 220 personnes, un conseil d'entreprise aura lieu mardi. Pour les autres, écoutez ceci, c'est notre collègue de la télévision, Thomas Rorive, qui a essayé ce matin, le voici, devant chez MHP à Gosselies. C'est la RTBF, on aimerait parler à un responsable de l'entreprise, s'il vous plaît. Pas possible, monsieur. Pas possible pour ? Mais parce que, voilà, c'est pas possible. Vous savez très bien ce qui se passe et on est entre nous pour l'instant et voilà. Pas de commentaire, monsieur. À Courcelles, des ouvriers de Yuzen Logistics sont sortis de l'usine. Ils ont accepté de parler. Ils voient l'avenir en noir. Nous sommes exactement 185 familles. On va tous perdre notre emploi. Dans la perspective où on va se retrouver au chômage tous, le minimum des employés et des ouvriers qui sont chez Yusan sont là au moins minimum depuis 10 ans et eux vont se retrouver aussi sur le chemin du travail et on va trouver des secteurs d'activité semblables parce qu'il y a déjà les logisticiens aussi au niveau de Caterpillar, donc ça va encore être le chemin de guerre en cours aussi pour retrouver dans les activités vu le nombre de licenciés dans la région de Charleroi. Alors cet homme parle déjà de reconversion. Il faut savoir que Caterpillar est le seul client de cette usine. Les ouvriers ont pu rentrer chez eux cet après-midi. Ils ne devront pas venir travailler lundi. Et ce travailleur évoquait la région de Charleroi, mais la fermeture va toucher des entreprises dans tout le pays. Merci Natacha Stragier avec Thomas Rorive. Maxime, je reviens vers vous une dernière fois à Charleroi. Charleroi devait vivre ce week-end un week-end de fête pour ses 350 ans d'existence. Manifestement, l'ambiance là va en

Alors la direction, on l'a dit, a annoncé en fait une restructuration mondiale l'an dernier déjà, 10 000 emplois menacés dans le monde. Apparemment, le Japon, la Chine, les États-Unis sont, semble-t-il, mieux situés aujourd'hui pour accueillir ce type d'entreprise. Et la direction a annoncé ce matin qu'une partie de la production Carolo serait assumée par le site de Grenoble en France. La direction a informé les travailleurs français ce matin. Nicolas Benoît de la CGT Métal, syndicat français, il l'affirme. Cette délocalisation n'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour la France. Une bonne nouvelle quand on apprend que des collègues voient leur entreprise fermée. Le fait qu'on transfère une partie de la productivité n'est pas forcément une bonne nouvelle chez nous non plus, puisque Caterpillar a décidé de recentrer son activité, donc de faire partir ce qu'on fabrique pour les États-Unis au Brésil, et de nous donner une partie de la production de Gosselies. Sauf que demain, en cas de crise, de grosse crise économique sur l'Europe, Caterpillar France sera beaucoup plus touchée que ne l'a pu être par le passé. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Nous, on va se battre et on a déjà demandé une expertise au comité d'entreprise européen au global. Sur l'Europe, c'est 3 000 salariés qui vont être concernés par ces suppressions de postes. La France est aussi concernée. Il y a un plan de départ volontaire de 100 personnes. Il y a la Tchéquie, il y a l'Irlande du Nord qui est fortement impactée, le Royaume-Uni. Alors il y aura une réaction. Déjà la première, c'est qu'on devait se rencontrer avec les camarades de la FGTB la semaine prochaine. Donc du coup, on va monter à Gosselies pour aller soutenir les camarades et pouvoir échanger pour les modalités d'action. Nicolas Benoît de la CGT Métal à Grenoble avec Anina Meus. Notez encore que les deux autres sites de Caterpillar en Belgique, Zeebruges et Grimbergen, ne sont pas menacés. 700 personnes travaillent au centre de distribution à Grimbergen et Caterpillar y est installé depuis 1960. Alors on va tenter tout de suite d'aller un petit peu plus loin dans ce dossier. On l'a dit, la fermeture, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Vont commencer maintenant d'intenses négociations. On peut toujours espérer un scénario à la VW Forêt avec de nouveaux débouchés pour le site de Gosselies. Ce qui est sûr, c'est que Caterpillar a déjà connu une grosse restructuration. Avec nous, Stéphanie Huillard du Forum. Bonsoir. Et donc, la restructuration, vous aviez déjà connu ça chez Caterpillar, 1300 personnes. Vous étiez d'ailleurs intervenu au Forum pour reclasser le personnel. Oui, tout à fait. Il y avait une cellule de reconversion qui avait été mise en place. Une cellule de reconversion qui s'est clôturée en février de cette année. Mmh. Plusieurs centaines de travailleurs étaient concernés. Et dans les profils de travailleurs qu'on avait suivis, avec lesquels on avait travaillé, c'était principalement des ouvriers qualifiés ou hautement qualifiés. Je vois là sur mes premiers tableaux des assembleurs, des techniciens. Des soudeurs, donc voilà, ce sont des... Plutôt des jobs en pénurie, en fait. Mais beaucoup, beaucoup, en tout cas, oui, c'est une industrie qui demande beaucoup ce type-là de profils, des profils qui sont très recherchés. Donc oui, en effet, on avait travaillé principalement, en tout cas sur la première vague, avec des profils de ce type-là. Alors, les premières restructurations concernaient évidemment des travailleurs âgés qui pouvaient peut-être prétendre à la prépension, à la pension. Mais ceux que vous avez eu à traiter, les situations que vous avez eu à traiter via les cellules de reconversion ont plutôt donné des résultats positifs. Oui, tout à fait. Les taux d'insertion étaient ici extrêmement bons parce que les profils des personnes étaient aussi principalement des profils recherchés. Mais il y a tout un travail qui se fait. Il n'y a pas uniquement le matching qui peut se faire sur papier. Une restructuration comme celle qui avait eu lieu maintenant il y a quelques mois, voire quelques années, et où on est arrivé là en bout de cellule de reconversion, c'est avant tout de l'humain aussi qu'on a à reconstruire parce que c'est extrêmement difficile. Il y a des personnes qui travaillent depuis plus de 30 ans dans un environnement de travail et du jour au lendemain, on leur annonce... Leur annonce leur départ, c'est extrêmement difficile à vivre, d'où l'importance de le vivre au sein d'une cellule de reconversion avec tout un réseau de soutien qui se met en place avec ses anciens collègues, avec des accompagnateurs sociaux. Donc oui, c'est vraiment une étape importante. Merci Stéphanie Huillard. Je rappelle que vous êtes la porte-parole du Forum à Charleroi. Dans le reste de l'actu, cet accident entre un tram et un bus à Bruxelles. Oui, accident qui s'est produit avenue Louise, tout près de l'arrêt Vlorgat, sur le coup de 16h. Il y a deux blessés légers dans le bus, ils sont partis en ambulance. Les trams ne circulent plus entre les arrêts Louise et Legrand. Des bus navettes sont mis en place, la situation devrait être rétablie incessamment. La libération aussi de Bilen Ceran, cette Belge d'origine turque, âgée de 24 ans, vient de passer une semaine dans une prison turque. On l'a suspectée de faire partie partie d'une organisation terroriste. Elle était en Turquie en vacances. Elle n'a toujours pas compris ce qui lui était arrivé et vient de vivre une semaine très pénible. Bilen Ceylan devrait être de retour dans quelques jours en Belgique. En France, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, est attendu dans la jungle, le camp de migrants à Calais. Le camp n'a jamais été aussi peuplé. La France annonce pourtant qu'elle va démanteler ce camp de migrants par étapes. La partie sud a déjà été évacuée en mars et pourtant, actuellement, 7000 personnes s'entassent encore dans cet endroit, un chiffre inédit depuis sa création. Et puis, il y a aussi l'ouragan Hermine qui fait des siennes sur la côte nord-ouest de la Floride. Les vents violents, les fortes précipitations provoquent des coupures de courant. 70000 personnes sont sans courant en Floride. Le niveau des eaux aussi est surveillé parce qu'on craint des inondations meurtrières. Des centaines d'écoles, d'administrations sont fermées aujourd'hui. L'état d'urgence est décrété dans une cinquantaine de comtés. Les services de secours sont en état d'alerte maximale. Enfin, pour terminer, vous revenez avec ce témoignage entendu sur le plateau du journal télévisé à 13h. Oui, parce qu'à lui seul, il résume l'ampleur de la catastrophe annoncée, je vous le rappelle, dans la région de Charleroi, la fermeture de Caterpillar à Gosselies, une entreprise américaine à qui tout souriait jusqu'en 2008. Une boîte qui faisait rêver tous les travailleurs. Elle ferme après 51 ans en Belgique. Jean-Luc Zizot, lui, y travaillait depuis 35 ans. Il est sous le choc, il ne comprend pas. J'ai fait toute ma vie là, j'ai tout appris là. Bon, ça fait mal. C'est 35 ans. C'est incroyable. Je comprends pas tout ça pour les coûts. Je vous dis, on a diminué les coûts, c'est ça que je comprends pas. Si on n'avait pas diminué les coûts, si on dit, bon, on s'en fout, on travaille, on a le salaire, le 15 et le 30. Oui, pour rigoler, le 15 et le 30. Oui, ça, c'est pour rigoler, mais nous avons tous fait un effort, tous. Vous avez quel âge aujourd'hui? 53 ans. Vous imaginez l'avenir comment avec cette fermeture? À 53 ans, vous savez, bon, moi j'ai quatre enfants, deux ils sont mariés, une qui est à l'université, qui va les chercher tout à l'heure. Je pense à elle, parce qu'elle est en plein examen. Voilà, ça ne va pas être évident non plus. Hein. Moi, voilà, c'est pas faire mon cas, c'est pas grave. On est de 3 000 en tout, je veux dire, ainsi avec les près de 5 000, j'ai entendu tout à l'heure. Bon, voilà, il y a beaucoup de cas comme le mien, et pire encore. Jean-Luc Zizot qui travaillait depuis 35 ans chez Caterpillar avec Julie Morel. C'était au journal télévisé à 13h. Merci beaucoup Manu pour ce journal. On continue à en parler de cette annonce dramatique aujourd'hui avec vos messages au 3063. Que vous soyez des amis de personnes qui travaillent chez Caterpillar, que vous travailliez vous-même chez Caterpillar ou vous n'ayez rien à voir avec l'annonce dramatique de cette journée, mais que ça vous touche tout simplement parce que c'est pas juste une usine, c'est pas juste une équipe qui est touchée aujourd'hui. On le disait dans le journal, c'est toute une ville, c'est toute une région, c'est tout un pays qui est derrière cette fermeture d'usine à Caterpillar. On vous attend ce soir, 3063 par SMS et 50 centimes le message sur la page Facebook aussi, 5 à 7 via Cité RTBF et au téléphone et éventuellement aussi 070. Je vous donnerai le numéro un petit peu plus tard parce que je ne l'ai pas sous la main, faute de ne pas vous le donner souvent. Vous le connaissez, vous, le numéro du studio? Oui. Alors, vous pouvez faire le 071-20... Oui, non, mais ça, c'est le numéro direct, ne le donnez pas. Attendez, parce qu'après, on va appeler tout le temps. Alors, je vous donne le 070 dans un instant, juste le temps de remettre la main dessus, on va faire un point sur les routes tout de suite. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Il est l'heure de faire un point RTBF Mobile Info. Tout de suite, comment ça roule à 17h23? Eh bien, c'est un petit peu compliqué du côté de l'E40, Bruxelles-Aix-la-Chapelle, suite à un accident qui est à présent bel et bien terminé. La chaussée est dégagée à hauteur des Hussards, mais on a encore des files à partir de Raucourt en direction donc de l'Allemagne. Accident dans l'échangeur de McKellen, bande droite encombrée, circulation ralentie dans la bretelle reliant le 19 venant d'Anvers au ring de Bruxelles en direction de Grand-Bigard. Et sur ce ring de Bruxelles, vous pouvez rajouter près de 25 minutes supplémentaires en circulation extérieure Zaventem-Grand-Bigard, 13 minutes en plus à compter en intérieur Zaventem Carrefour Léonard. Notre motard d'Europe Assistance nous signale toujours des embarras de circulation au rond-point Montgomery suite à un accident qui s'y est produit. Et puis des ralentissements toujours du tunnel Trône au tunnel Léopold en direction de Kuckelberg. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400.

Vous avez été pris dans le grand rush de la rentrée ? Qu'importe ! Retrouvez vos contenus radio et télé sur votre plateforme digitale Ovio. Où, quand et comme vous le voulez. Sur tablette, smartphone ou ordi. rtbf.be/Ovio. A-U-V-I-O. Libérez vos envies. Salut, c'est Marion. Salut, c'est Julien. C'est Stéphane. Et vous êtes bruxellois sans doute ? Ou non, peut-être. En tout cas, on a rendez-vous. Un grand rendez-vous. Non, un gros rendez-vous. Ah oui, un rendez-vous. BXXL. Le lundi soir, BXXL, c'est tout moi, c'est tout toi. C'est tout Bruxelles. De 20h à 21h sur Viva Bruxelles. Comment bien manger ? Quand une partie de votre budget est déjà passée dans la rentrée des classes. En profitant de la promo Deleuze sur les blancs de poulet, les enfants en raffolent. Jusqu'à mercredi chez Deleuze, à l'achat d'un ravier de 900 grammes, le second est gratuit. Deleuze, bien acheté, bien manger. Construction Jean-Pierre et fils, bonjour. Oui, bonjour, c'est pour ajouter une 10e boule à l'atomium. Très bien. Pour la semaine prochaine. Pas de problème. Merci. Tout devient possible quand on travaille avec nouveau Citroën Jumpy. Trois tailles au choix, porte coulissante main libre et seulement 1,90 m de hauteur. Nouveau Citroën Jumpy, à partir de 230 € par mois, avec extension de 50 garanties offertes. Découvrez-le dans votre point de vente. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Le mercato de football est terminé. Ce lundi 5 septembre, la Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent en exclusivité le guide officiel de la Pro League. Un supplément de 48 pages pour tout savoir sur la saison de la Division 1. Noyau complet, calendrier des rencontres, dernier transfert. C'est ce lundi 5 septembre et c'est gratuit avec votre journal. Sud Presse, numéro 1 du sport. Ce mercredi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Ce n'est pas grave, la petite minute de la blague idiote. Comment est-ce qu'on appelle un lapin sourd ? Lapin ! Ben oui, il est sourd. Jouez donc au loto ce samedi. Il y a près de 2 250 000 euros à gagner. Bon, ça ne vaut pas mes blagues idiotes, hein, mais enfin, c'est quand même une belle somme. Hein. Merci, loto. Voici les titres de l'actualité avec Manu Delporte. Avec ce rassemblement en ce moment, place Charles II à Charleroi, rassemblement en soutien aux travailleurs de Caterpillar et aux sous-traitants de l'entreprise. La direction a annoncé ce matin son intention de fermer l'usine d'ici la mi-2017. C'est une catastrophe économique pour la région. Les Carolo, les travailleurs sont sous le choc. Une catastrophe humaine aussi, vous le disiez il y a un instant. Caterpillar, c'est une usine où se succédaient les pères et les fils, les cousins, les oncles. Donc, qui concerne vraiment beaucoup de monde. Les responsables politiques sont unanimes pour critiquer la décision du groupe américain et promettent de tout mettre en œuvre pour limiter la casse, même s'ils ne se font pas beaucoup d'illusions sur la possibilité de changer la donne. Merci Manu. Prochain point sur l'actu à 18h. Dans un instant, on partira sur les routes, mais avant c'est la météo. Dominique, qu'est-ce que ça dit dans le ciel ? Eh bien demain, des nuages dans le ciel, sur l'ouest, et même une averse possible à la côte, mais des éclaircies plus franches sur le sud et l'est du pays. Tout cela en douceur, à température comprise entre 22 et 25 degrés. Une zone de pluie assez active arrivera dans la nuit de samedi à dimanche avec un renforcement du vent. Et cette zone pluvieuse assez active va traîner encore dimanche matin et l'après-midi. On passera dans une alternance d'averses et d'éclaircies. Ceci dit, il fera un petit peu plus frais, 17 à 22 degrés pour le week-end. Merci Dominique. On part sur les routes tout de suite. C'est le RTBF Mobile Info. Anne-Michel Vloubert, comment ça roule à 17h33 ? Eh bien, Cyril, on a toujours quelques complications suite à l'accident dans l'échangeur de McCullen. La bande droite reste encombrée. La circulation est ralentie dans la bretelle reliant le 19 venant d'Anvers au ring de Bruxelles en direction de Grand-Bigard. Vous pouvez rajouter une demi-heure de temps supplémentaire en circulation extérieure Zaventem-Grand-Bigard. 13 minutes supplémentaires en circulation intérieure Zaventem-Carrefour-Léonard. On a toujours les suites de l'accident visiblement à Bruxelles au rond-point Montgomery, ce qui engendrait encore de gros embarras de circulation. Et puis des embarras également sur le 411 Luxembourg-Namur à hauteur de Wanlin où l'on a quand même 2 km de fil. Vous perdez une dizaine de minutes en direction de Namur. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Vivacité. Tout à l'heure dans ce 5 à 7, on reviendra sur les 350 ans de la ville de Charleroi. Alors on le disait dans le journal il y a quelques minutes, la fête est maintenue, trop tard pour tout annuler. Et puis cette fête, elle aura malgré tout un goût vachement amer avec cette annonce ce matin de Caterpillar qui ferme son usine donc de Gosselies. Comment vous sentez ce soir? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre état d'esprit? Que vous soyez de Charleroi, de Gosselies même, que vous travaillez pour Caterpillar, que vous soyez proche de famille qui travaille là-bas ou que vous soyez de tout à fait ailleurs en Belgique, c'est votre émission ce soir plus que jamais. 3063 pour réagir, c'est 50 centimes le message. Il y a le téléphone aussi qui est dispo pour vous, 070 23 33 23. Et c'est gratuit sur la page Facebook. Je vous attends. 17h34, on prend la direction de Liège tout de suite. Et on va accueillir le premier auditeur de la soirée. C'est Yves qui est avec moi au téléphone. Bonsoir Yves. Bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Merci d'accorder la parole, ça fait plaisir. Ah bah avec plaisir, vous êtes chez vous ici sur Vivacité, vous le savez. Yves, vous êtes patron d'une PME et vous aviez quelque chose à dire ce soir. Oui, bah premièrement, donc, je suis de tout soutien avec les pauvres travailleurs donc, qui ont perdu leur emploi. Et je sais que c'est très très très douloureux parce que j'ai déjà moi-même vécu des fermetures d'entreprises. J'ai déjà été faire des travaux et puis on m'a dit que c'était le dernier travail qu'ils devaient faire. Mmh. Et on fermait derrière moi donc, les usines et, donc, et les gens perdaient leur travail. Et c'était... très, très, très triste. Mais en fait, tout ce que je peux dire, c'est que quelque part, tous ces gens-là sont victimes d'un ensemble de choses. Il n'y a pas qu'un seul problème. Moi, j'ai lutté pendant une vingtaine d'années contre des sociétés, des multinationales donc, américaines. Ouais. Et je connais leur mentalité. Donc, quelque part, ils n'ont pas du tout la même notion que de nous. C'est le profit avant tout. Et l'être humain ne compte pas. Et j'ai pu voir ça en discutant avec des patrons d'autres entreprises. Ils ont même une expression qui disent « petit comme en Belgique ». Et ça m'a fait très, très très mal. Et depuis lors, donc je ne me laisse pas faire. Yves, vous qui avez justement connu déjà cette situation, qu'est-ce que vous pouvez dire ce soir aux travailleurs, aux collaborateurs de Caterpillar? Ben, je pense qu'il faut d'abord être courageux, se resserrer et éventuellement, donc comment dire, une grande entreprise, c'est comme une petite entreprise également. Donc, il faut donc à ce moment-là voir qu'est-ce que l'on peut faire, qu'est-ce qu'ils sont... Par exemple, vous avez la clientèle, il faut piquer la clientèle, il faut nationaliser ou reprendre en main l'entreprise, quitte à reconcurrencer ces sociétés-là. Ce que j'ai fait, moi, quand j'avais mes propres productions de machines, quand j'étais aux États-Unis, je représentais donc les Américains, et qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire dans mon dos, c'est de me piquer ma clientèle que j'aurais bien offert le marché. Et c'est ce que les Américains sont en train de faire pour l'instant. Et il faut surtout pas se laisser faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir la connaissance, la technologie et les outils, l'outillage. Vous les avez, vous avez les gens compétents, eh bien, piquez-leur leur marché, piquez-leur donc leur clientèle. Eh ben, on entend bien votre message, Yves, et on verra comment réagiront justement les équipes de Caterpillar sur le site de Gosselies. Plus de précisions d'ailleurs plus tard, tout à l'heure, dans le journal de 18h. Merci Yves pour votre réaction ce soir. 3063, c'est le numéro de SMS pour envoyer vos messages. 070 23 33 23 pour le téléphone et c'est gratuit sur la page Facebook 5 à 7 via cité RTBF. Les Carolons ont la parole aussi, vous êtes de la région, vous êtes les bienvenus, bien évidemment, et nous allons accueillir dans un instant Mehdi Bayat, l'administrateur délégué du Sporting de Charleroi. C'est pas que un secteur qui est touché, c'est toute une ville qui est derrière des employés qui ont appris la mauvaise nouvelle ce matin. Mehdi Bayat, l'invité de ce 5 à 7, juste après la pause. La DH présente en exclusivité la Maison de Mickey. Une collection de livres richement illustrés pour découvrir les chiffres, les lettres et de nombreuses activités pour apprendre en s'amusant. Avec à chaque numéro un DVD de 2 épisodes. Grâce à la DH, apprendre devient un jeu d'enfant avec Mickey et ses amis. Le numéro 1, 1,99€ seulement, en vente en librairie. Moi, j'aime cuisiner avec des produits de qualité. Ah, la qualité, ça se goûte toujours. Hein, chez Marc ? Non, c'est sûr, petit. Hein. Tu as goûté notre filet pur de porc. Il est tendre, juteux, en un mot, délicieux. Et son prix, il est petit, léger, en un mot, riquiqui. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre délicieux filet pur de porc est à seulement 9,69€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrembel et Béguines. À l'arrivée, juste avant l'apérobique, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Vivacité et la ville de Charleroi présentent Charleroi 350 ans. C'est 2, 3 et 4 septembre, week-end anniversaire. Soirée d'ouverture place de la Digue, cortège historique avec la présence de l'Homme Gang, Carolo Retro Cars, accès exceptionnel à de nombreux sites historiques et Kefies, grande fête populaire sur les quais de Sambre. Info charleroi.be/350ans. Avec la une. Info et bonne humeur. La bande du 8-9 revient lundi de 8 à 9 pour bien démarrer la journée sur Vivacité et sur la Une. On m'avait dit, toi, tu auras tout, gloire, fortune et amour. Enfin, revenant sur Terre. Maintenant, je veux maîtriser un métier et être capable de gérer mon entreprise. Jusque fin octobre, inscrivez-vous dans une des 70 formations proposées par l'EFP. EFP, formateur de talent. Avec le soutien du service public francophone bruxellois et du Fonds social européen. Info, efp-bxl.be. 17h-19h, 5 à 7 sur Vivacité. 17h39, vous écoutez le 5 à 7 sur Vivacité. Merci d'être là aujourd'hui. Je vous le rappelle, si vous allumez la radio pour la première fois, qu'on a appris cette dramatique nouvelle du côté de Charleroi, Caterpillar qui a annoncé la fermeture de son usine à Gosselies. C'est 2200 personnes qui vont perdre leur emploi. Ce sont les emplois directs. Il y a évidemment énormément d'autres personnes qui vont être touchées, des familles également. Ce soir, c'est votre émission 3063 pour réagir par SMS. C'est 50 centimes le message pour dire comment vous sentez ce soir, quel est votre état d'esprit, que vous soyez de la région ou de tout à fait ailleurs, que vous soyez du secteur ou pas d'ailleurs, vous avez la parole. 070 23 33 23 et la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On va aller au Sporting de Charleroi tout de suite. Mehdi Bayat, vous êtes l'administrateur délégué du Sporting de Charleroi. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Cyril. Merci d'être ce soir dans le 5 à 7. Forcément, en étant un acteur important de la région de Charleroi, vous êtes touché aussi par ce qui s'est passé aujourd'hui, par cette annonce. Évidemment, je crois qu'il ne peut pas en être autrement. Nous sommes tous évidemment très, très sensibles à ce qui va se passer, ce qui va finalement malheureusement prendre forme sur le temps, puisque bon, l'annonce qui a été faite aujourd'hui, il faut bien comprendre que toutes ces personnes ne vont pas se retrouver du jour au lendemain sans travail, avoir un certain délai pour pouvoir, je suppose, fermer ce site. Mais en tout cas, ça va être une période extrêmement difficile où je pense que nous devons tous faire preuve de solidarité pour essayer de faire en sorte que ce drame, malheureusement, parce que c'en est effectivement un, puisse, je dirais, se passer au mieux, malheureusement. Par le Sporting de Charleroi, vous essayez régulièrement de dynamiser la ville. Il y a les 350 ans aussi de Charleroi ce week-end. On en reparlera tout à l'heure dans l'émission d'ailleurs. C'est pas fatigant d'avoir tout le temps des coups durs sur la ville, tout le temps quelque chose qui diminue à chaque fois l'image de cette ville? Je crois qu'il faut de toute manière rester positif. Il n'y a pour moi pas d'autre solution. C'est effectivement, comme je l'ai dit, un drame, mais nous devons affronter ce drame. Et je pense que nous devons affronter malheureusement ce drame tous ensemble. J'avais ce matin une réunion avec des partenaires du club. Et lorsqu'ils m'ont demandé mon avis par rapport à la situation, je leur ai dit, écoutez, nous devons agir, nous, parce que nous avons une responsabilité en tant que chef d'entreprise. Et je pense, et en tout cas c'est ce que fera le Sporting de Charleroi, une fois que je dirais, toute la procédure aura été mise en place et que le site sera fermé, le Sporting de Charleroi va engager deux personnes de chez Caterpillar. Ah bah ça, c'est notre belle volonté, annonce. Nous le ferons. Et nous avons demandé à chacun de nos partenaires qui ont la possibilité de le faire, parce que bon, il faut évidemment bien comprendre qu'il faut avoir besoin d'engager. Le Sporting est un club qui grandit tout doucement. Et donc, nous avons pris l'engagement ce matin devant nos partenaires d'aller embaucher deux personnes de chez Caterpillar. Si toutes les sociétés qui ont la possibilité de faire ça à Charleroi font le pas, on va quand même aider quelques personnes. On ne pourra pas aider les 2200 emplois perdus, plus tous les emplois indirects. On ne pourra pas mettre de miracle en place. Mais je pense que les sociétés doivent être solidaires de ce qui se passe. Et nous devons prendre la responsabilité d'aider ces personnes, parce que c'est toute notre ville, c'est notre région qui en sortira grandie via ce process et ce système que nous voulons mettre en place. Eh ben merci Mehdi pour votre intervention ce soir et puis pour cette bonne nouvelle. Donc, alors c'est effectivement deux postes, mais comme vous le dites, si chacun s'y met, on va arriver à aider un maximum de familles touchées par cette annonce dramatique de la journée. Merci beaucoup Mehdi Bayat d'être passé ce soir dans le 5 à 7. À bientôt. À bientôt Cyril, au revoir. Il est 17h43, vous avez la parole ce soir, 3063 par SMS, sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF ou sur le téléphone aussi, ça fonctionne, 070 23 33 23. Estrella de Charleroi est au téléphone, bonsoir Estrella. Oui, bonsoir. Vous êtes directement touchée par l'annonce de ce matin puisque votre beau-frère travaille à Caterpillar. Exactement, oui. Mon beau-frère travaille à Caterpillar. Et ce matin, quand je me suis levée, et le premier tic, c'est quoi? C'est d'ouvrir la radio pour écouter les infos. Et voilà, la nouvelle qui est tombée pour Caterpillar, que je ne savais pas, même lui, personnellement, il ne savait pas. Il l'a aussi appris pas. Par les médias aujourd'hui? Exactement, ce matin. Vous lui avez parlé depuis ce matin? Je l'ai eu tout à l'heure quand je suis revenue de mon travail. Il est dans quel état d'esprit? L'état d'esprit est que, c'est vrai que son état d'esprit est très, très négatif par rapport à ce choc qu'ils ont eu ce matin, tous, en tant qu'ouvriers et en tant qu'employés. Et maintenant, il attend le retour des autres événements. Mais en tous les cas, moi, je voulais avoir mon soutien, bien entendu, étant que je suis la belle-sœur, en disant qu'on est profondément atteint pour tout ce qui se passe. Et voilà, donc lui, son état d'esprit, il patiente, on verra la suite. Mais bon, il faut se dire qu'il a 50, il est encore jeune, hein, 54 ans. Bon, c'est vrai que les enfants sont casés, ok, mais bon, il y a quand même le restant qui reste et il fallait travailler encore. Vous allez pouvoir l'aider, vous allez être là comment pour lui? Eh bien, écoutez, physiquement, mentalement, on est avec eux. S'il faut aider, on aidera, il n'y a pas de souci. De toute façon, il est bien entouré par rapport à toute la famille. Donc, voilà. Donc, en tous les cas, je vais dire un mot pour tous ces gens qui travaillent avec Caterpillar et tout. Dès ce matin, c'est vrai que quand j'ai entendu cette nouvelle, je suis partie au boulot après. Et toute la journée, j'ai été très, très mal. Eh bien, merci d'être passé ce soir dans l'émission Estrella. On vous souhaite plein de courage ainsi qu'à votre beau-frère et toutes les personnes touchées par cette annonce ce matin. 3063 vos SMS pour réagir à l'émission. 070 23 33 23, le standard est ouvert et la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF. On parle de ce nouveau coup dur donc pour la ville de Charleroi, pour toute la région qui est touchée, que vous soyez de cette région ou pas ce soir. C'est votre émission, on vous attend. Ce week-end, Vivacité fête les 350 ans de la ville de Charleroi. Samedi, de 17h à 23h, Alain Simons, Olivier Gillin et Jean-Marc Desserres vous feront vivre en direct les festivités liées à cet anniversaire. Folklore, spectacle, concert. 350 ans, ça se fête. Bon anniversaire les Carolos. Télé sur la Une. Pour la rentrée de lieux interdits, je vous emmène à bord d'un immense paquebot. Comment s'organise la vie de ce palace flottant? À quoi doit-on le succès des centres de loisirs? Et Dubaï l'extravagante parviendra-t-elle à devenir la première destination touristique au monde? Julie Morel vous ouvre les portes des lieux interdits ce vendredi soir sur la Une. Ce dimanche, Christophe Maé est en concert sur Vivacité. Je veux de l'âme! Dès 18h, Bruno Tumers vous propose une spéciale Vivacité en concert avec Christophe Maé. L'occasion d'évoquer les chansons de son nouvel album, La Trappe Rêve, les artistes qui l'ont marqué sur scène et ses prochains concerts chez nous cet hiver et au printemps 2017. Alors, hey, salut, c'est Christophe Maé dans Vivacité en concert. Dimanche, dès 18h. Il est là. Excusez-moi, oui. La Peugeot 208, là. Le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui? Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Bienvenue dans ce cours de langue porcine pour les fermiers. D'après une étude, il apparaît que les éleveurs ne comprennent pas le langage des porcelets. C'est pourquoi nous leur apprenons aujourd'hui 3 expressions. La première veut dire « je me sens bien ». La suivante veut dire « j'adore ». Et enfin, la plus difficile veut dire « arrêtez de me castrer, c'est insupportable ». Je pensais que ça voulait dire « ça j'adouille, moi ». Aidez-nous à faire interdire légalement la douloureuse castration des porcelets. Rejoignez-nous sur gaia.be. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Et avec vous, vous toutes et vous tous, ce soir c'est votre émission 3063 par SMS pour envoyer votre réaction par rapport à l'annonce de ce matin, la fermeture du site Caterpillar à Gosselies. On prend la direction de Perruet tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, quel est votre prénom ? Patrick. Patrick, ce soir dans le 5 à 7, vous vouliez avoir la parole. Bah, c'est votre émission, allez-y. Ben écoutez, voilà, je vous ai dit que j'avais très mal pour mes collègues de Caterpillar parce que moi j'ai vécu la première restructuration en 2014. Vous avez perdu votre emploi donc en 2014 ? Oui, oui, après 19 ans dans la société. Et cette histoire-ci qui s'est passée aujourd'hui, moi je la sentais venir parce que il y avait trop anguille sous roche et je me doutais bien qu'un jour ou l'autre, ou alors ils allaient restructurer encore du personnel, ou alors ils allaient carrément fermer la société. Et je constate que ma deuxième opinion a été la bonne. Vous aviez encore des contacts avec vos anciens collègues de Caterpillar ? Oui, j'avais encore deux, trois collègues. Qui, eux aussi, ils sentaient ? Non, eux, ils étaient un peu plus optimistes, étant donné que bon, y avait déjà eu une vague de licenciements. Mais je constate que, et ils me l'ont dit il n'y a pas longtemps, qu'au vu du chômage économique qu'ils avaient, ben, que, malheureusement, ils le sentaient venir. En 2014, tout a basculé pour vous, vous avez pu rebondir ? Oui, j'ai pu rebondir, mais difficilement malgré tout, parce que bon, ça a été d'agence d'intérim en agence d'intérim, et que pour finir, maintenant, j'ai quand même obtenu un contrat pour le groupe Colruyt. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, Patrick. On espère que tout va continuer à bien se passer pour vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à vos anciens collègues qui, aujourd'hui, ont reçu cette annonce comme un coup de massue ? Beaucoup l'ont appris simplement par la radio ou la télé ce matin. Ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez dire, à part qu'ils ne doivent pas se laisser faire et essayer d'obtenir ce qu'ils peuvent obtenir de financier le plus possible, mais voilà, maintenant, disons qu'il va être difficile parce que ce n'est pas que Caterpillar, c'est beaucoup de sociétés alentour, comme c'est dit Wall, Untraco, Mondia, tous les petits sous-traitants. C'est pas 2000 emplois, c'est, on va dire, à peu près entre 5 et 6 000 emplois. Exactement, on en parlait tout à l'heure dans le journal, c'est effectivement beaucoup d'emplois indirects qui vont être touchés par cette annonce de ce matin. Merci Patrick pour votre réaction. Je vous souhaite une bonne soirée malgré tout, un bon week-end Patrick. Oui, merci bien. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Week-end qui sera animé par les festivités à Charleroi qui sont maintenues, les 350 ans de la ville de Charleroi. On y reviendra dans quelques minutes dans ce 5 à 7 sur Vivacité. On va prendre la direction de l'aéroport de Charleroi tout de suite avec Jean-Jacques Cloquet. Vous êtes l'administrateur de l'aéroport de Charleroi. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Alors, tout à l'heure, on avait Mehdi Bayet du Sporting qui nous expliquait qu'il avait été particulièrement touché, que le Sporting, une fois que tout allait se mettre en place, mettrait à disposition deux postes, deux personnes, deux anciens de Caterpillar seront recasés au Sporting de Charleroi. Est-ce qu'à l'aéroport de Charleroi, aujourd'hui, il y a une ambiance particulière, une émotion particulière ? Est-ce que vous avez déjà pensé à des plans pour plus tard ? Bah, disons qu'à l'aéroport de Charleroi, c'est notre voisin, donc c'est évidemment un drame social terrible. Alors, ben, comme on l'a déjà fait depuis quelques années, bon, on va continuer à se développer. On a des projets d'extension qui vont se terminer en décembre, pour la saison d'été prochaine. Voilà, ça sera des opportunités d'emploi. Maintenant, évidemment, quand on voit le nombre d'emplois que ça concerne avec les filiales, c'est vraiment une véritable catastrophe. Hein. Donc, oui, bien sûr, il y aura des opportunités chez nous, bien sûr, c'est clair. Bon bah c'est déjà peut-être une lueur d'espoir pour toutes les personnes touchées. 2200 emplois directs et effectivement tous les emplois collatéraux qui vont être touchés également. Je posais la question à Mehdi Bayet, mais je vous la repose aussi. Quand on est acteur comme ça de la vie économique de toute une région, est-ce qu'on en a pas marre des coups durs ? C'est pas la première fois qu'à Charleroi, malheureusement, on parle de drames, de fermetures, de licenciements. Caterpillar avait connu ça en 2014. C'est pas fatigant d'essayer de tout le temps remettre la machine en route ? Ah oui, bah écoutez, moi je suis là depuis pas mal d'années, je suis un carolot de pure souche et donc c'est certain, maintenant il y en a qui avaient décidé de partir, nous on a décidé de rester et on va continuer à se battre. Vous savez, moi j'ai 56 ans, je me bats pour la génération qui suit, donc il faut se battre. J'ai la chance d'être dans un pôle de développement, on a plein de projets, on va les activer, on a évidemment le soutien de la région et j'espère que la région continuera pour que ça aille le plus vite possible, pour créer des emplois. Le problème c'est toujours la même chose. Vous savez, les multinationales, je crois que là d'où ils sont, à Chicago, je pense que pour eux, Charleroi, ça représente rien. Et on prend des décisions, on profite un maximum pendant un certain temps, et puis voilà, et puis on arrête, et on laisse les gens sur le carreau. Nous, on a la chance, dans une société avec un actionnariat régional, un actionnariat de terrain, non délocalisable. Donc je crois qu'il faut vraiment réfléchir à des projets pour continuer à développer. et créer de l'emploi et donc offrir des possibilités, parce que c'est quand même, bon, il y a certainement bien sûr des plans qui vont être faits pour des plans de pré-pension ou autre, mais aussi des jeunes. Donc il faut penser à tous ces jeunes et pouvoir leur permettre d'avoir un avenir, de payer leur maison, de voilà, d'avoir un réel avenir. Eh bien nous, notre rôle c'est ça, donc Jean-Jacques Cloquet c'est son rôle, comme d'autres qui sont sur la ville. Notre rôle c'est de nous battre et d'essayer de aller dans cette... On ne doit pas s'arrêter, s'asseoir et dire c'est fini. C'est certain que les gens qui vivent ça, c'est un traumatisme, c'est catastrophique. On doit simplement dire, voilà, on est là, on va essayer de faire le maximum pour en tirer un maximum vers le haut. En tant qu'administrateur d'un aéroport comme celui de Charleroi, Jean-Jacques Cloquet, est-ce que vous appréhendez peut-être ce moment où un jour, on ne le souhaite pas, mais où un jour vous auriez un licenciement important à faire, un licenciement massif? C'est quelque chose auquel on pense quand on gère une entreprise? Ben c'est certain, bon, c'est ce qu'on mesure, l'analyse des risques. Vous savez, si demain il y a des catastrophes aériennes et que plus personne ne veut prendre l'avion, on a déjà eu le cas du terrorisme et tout, donc on doit être très vigilant, c'est pour ça que je dis toujours à mon personnel, écoutez, moi ce que j'essaye de faire, c'est diversifier, me battre. On ne peut pas tout donner, il faut créer de la valeur pour en distribuer. Donc j'essaie de diversifier pour limiter le risque et de garantir. On a une moyenne d'âge de 33 ans. Plus maintenant, ben voilà, si on peut reprendre des gens, c'est impeccable. Et il y aura des possibilités, certainement peut-être pas dans le même type de métier, parce qu'il y a quand même des gens qualifiés chez Caterpillar et ainsi de suite. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, dans la vie professionnelle aujourd'hui, il faut se dire, c'est fini de faire un long fleuve tranquille dans une société. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes équipes pour l'aéroport, pour que les gens puissent continuer, puissent évoluer. Et donc, ben voilà, il faudra probablement apprendre d'autres métiers, mais évidemment, c'est toujours une appréhension. Évidemment, c'est le risque de se dire, que fait-on si on a une catastrophe ou quoi que ce soit? Nous avons, nous, la chance, malgré qu'on a été évidemment pénalisé par l'Europe sur des gros projets où on pouvait créer plus de 1000 emplois, je tiens à le signaler, plus de 1000 emplois, mais c'est certain qu'on a été, on a eu un arrêt sur image, mais on a eu un projet innovant et on va en créer quand même 200-300 avec l'extension qu'on fait actuellement. Et on a d'autres projets en tête, on va essayer de les activer, on va discuter avec la région parce que voilà. Faut se battre, c'est une région merveilleuse, vous savez. On a un outil extraordinaire. J'ai la chance d'être là. J'ai cette chance, moi, d'être à la tête d'un outil avec des gens extraordinaires. Et donc, je crois qu'on a des potentialités. Ben, il faut vraiment maintenant y aller à fond et se dire, ben, voilà, peut-être regarder là où on a investi l'argent dans des sociétés qui, on sera sûr, dans un certain nombre d'années, seront toujours là parce qu'elles appartiennent à la région, elles appartiennent aux gens de la région et elles ne risquent pas de partir d'un jour. Voilà. C'est vrai que l'aéroport de Charleroi, on va le mettre en Chine demain. Ça, c'est clair. Ce sera plus compliqué, voilà. Ouais, effectivement. Vous parlez d'une belle région, effectivement. C'est vrai qu'en Wallonie, on a souvent l'habitude de faire des blagues sur Charleroi. J'étais le premier à en faire il y a quelques années. Et puis, ma vie privée m'a rapproché de la ville et la vie professionnelle aussi. On l'a vu avec le cube de Via for Life. Et c'est vrai que c'est une région magnifique. Il y a plein de choses à découvrir. Il y a des gens adorables. Et donc, c'est un nouveau coup dur, malheureusement, pour une ville qui ne le mérite pas. Merci, Jean-Jacques, d'être passé ce soir dans l'émission. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On prend la direction de Lezan-Hainaut chez Charles. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes concerné par cette histoire, cette fermeture de l'usine Caterpillar à Gosselies? Oui, parce que papa travaillait à l'époque en Afrique. Oui. Chez Caterpillar. Et ça m'accable un peu parce que on passe l'argent par rapport à l'humain. Et c'est une emblème national, je veux dire. Tout le monde savait que Caterpillar était à Gosselies, effectivement. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est désolant. C'est vraiment très désolant parce que ça fait partie d'une emblème, d'une structure. On vous sent très ému ce soir. Votre papa, oui. Je suppose, à l'époque, était fier de travailler pour Caterpillar. Aujourd'hui, vous pensez qu'il en dirait quoi? Ben, il est décédé, mon papa. Mais il en dirait quoi? J'avais compris, effectivement. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, il aurait cette même fierté de travailler pour cette marque? Ou ces genres de choses? Avec une annonce pareille, la fierté, elle disparaît, l'amour de la marque disparaît? Tout à fait, elle disparaît complètement parce que on passe l'argent par rapport à l'humain, comme j'ai dit dans le message. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de... Mais j'entends bien votre réaction et votre émotion ce soir. Oui, merci Charles de l'avoir partagé. Et petit à petit, tous ensemble, en témoignant, on arrive aussi à peut-être donner un petit peu d'espoir à toutes ces équipes qui sont touchées par cette annonce aujourd'hui. On va à Liège chez Jacques. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir. On clôturera cette heure-ci avec vous. On vous écoute Jacques. Écoutez, je tenais à manifester ma sympathie avec toutes les personnes qui sont touchées par... Cette catastrophe, comme malheureusement nous en avons déjà connu pas mal en Wallonie, en voyant toutes nos industries qui passent à la trappe, vais-je dire. Et voilà, je voulais dire aussi que normalement nous devrions rebondir. On parle beaucoup de résilience maintenant dans tous les problèmes que nous vivons. Et je crois que là aussi, il nous faudra certainement le temps de digérer ce qui vient de se passer. Mais je crois que l'avenir et les jeunes que nous formerons, nous le garantirons. Merci pour votre témoignage ce soir, Jacques. Il y a des messages qui sont arrivés en disant aussi, voilà, on est plusieurs personnes à avoir déjà perdu un emploi aussi, on n'en a pas parlé autant à la radio. C'est vrai, aujourd'hui, il y a cette annonce qui est tombée comme un coup de massue vraiment ce matin à 9h01 quand l'info est tombée et énormément de familles, des milliers de familles sont touchées par cette annonce. Ce soir, vous pouvez continuer à réagir sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTBF à Charleroi. Il y a cette annonce dramatique, mais il y a aussi une fête ce week-end. Elle aura un goût amer, cette fête, les 350 ans de la ville de Charleroi, avec des festivités qui commencent malgré tout dès ce soir. On y reviendra dans quelques minutes dans ce 5 à 7 sur Vivacité. Ce sera juste après le journal de 18h qu'on retrouve dans quelques petites secondes. En ce moment, chez Colruyt, c'est le festival des extras. Avec énormément de réductions extras sur les grandes marques, en plus des meilleurs prix. Profitez-en jusqu'au 6 septembre. Colruyt, votre garantie des meilleurs prix. Merci d'écouter Vivacité, il est 18h. Une onde de choc ce matin à Gosselies, le site de Caterpillar ferme. C'est la direction du groupe américain qui l'a annoncé froidement. Les bulldozers jaunes ne seront plus fabriqués là. 2200 emplois directs perdus. Une onde de choc qui se propage plus loin que Gosselies. Des centaines de travailleurs sont aussi inquiets pour leur avenir. Leur entreprise travaillait presque uniquement pour l'usine d'engins de chantier. Nous irons dans l'une d'entre elles dans un instant. Scandalisés, choqués, en colère, les réactions des politiques fédérales comme wallons, les gouvernements sont déterminés. Ils ne veulent pas laisser tomber les travailleurs. Ils ont rencontré la direction de Caterpillar cet après-midi. Sport, retour sur la déception d'hier soir, la défaite 0-2 des Diables Rouges face à l'Espagne. Nous entendrons comment les joueurs justifient leur manque d'envie. Le journal sur Vivacité avec Yasmina Favaro. Bonsoir Yasmina. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Une claque, un coup de massue, un drame. 2200 personnes ont appris ce matin qu'elles perdaient leur emploi. Caterpillar Gosselies, c'est fini. Le site qui fabrique des engins de chantier va fermer. C'est la direction du groupe américain qui l'a annoncé ce matin lors d'un conseil d'administration extraordinaire. La production est délocalisée en France, mais aussi hors Europe, au Japon, en Chine et aux États-Unis. Raison principale évoquée, les coûts de production et d'investissement moins chers ailleurs que chez nous. Cette fermeture, elle provoque le désarroi des travailleurs. Ils ne s'attendaient pas à une fermeture complète. Écoutez-les. Ça, on l'attendait, mais pas à ce point-là. On attendait une restructuration comme en 2013, mais pas 2000 personnes au chômage en plus. Là, je ne sais pas. Il n'y a pas d'autre mot là pour aujourd'hui. Je suis vraiment la boule au ventre et tout ça. On a les jambes coupées, on ne comprend pas. Après tous les efforts qu'on a fait, je ne comprends pas pourquoi on ferme une société comme ça, qui tourne en plein rendement au niveau des Willowdeux. Apparemment, ce n'est pas assez pour eux. On est effondré depuis 8h30 au matin, le téléphone sonne. Un, l'autre, c'est la cata. Je suis moi-même écœuré, effondré. Je vis mal ça. Des travailleurs de Caterpillar bouleversés, interrogés par nos collègues du JT. 2200 emplois directs perdus avec la fermeture du site, mais c'est une catastrophe pour les sous-traitants aussi. Oui, en réalité, ce sont beaucoup plus de postes qui sont concernés. Quelques 6000 emplois seraient concernés. Caterpillar est le client principal de beaucoup d'entreprises. C'est le cas de Carwall, de Sombref, en province de Namur. Elle fabrique des cabines pour les engins de chantier. Et aujourd'hui, Gvan Pell, le personnel redoute le pire. Carwall travaille à 90% pour Caterpillar. Pilar. C'est peu dire que l'annonce faite à Gosselies a choqué le personnel. Ouvriers et employés ne s'attendaient pas à cette décision brutale. Éric Marès, délégué FGTB. On a fait énormément d'efforts chez Carwal depuis 2008. On en a fait aussi lors de la restructuration précédente chez Caterpillar en 2013. On a payé énormément au niveau du personnel pour en aboutir à cette situation. C'est une trahison. Je n'ai pas peur de le dire. C'est une trahison de la part des gens de Caterpillar. Et je ne parle pas de la direction de Gosselies, mais je parle de la direction Caterpillar aux États-Unis. 220 personnes travaillent chez Carwal aujourd'hui. La disparition de Caterpillar à Gosselies pourrait entraîner une réduction drastique des effectifs. Il faut donc rapidement trouver d'autres clients. C'est une évidence pour diversifier la clientèle et aussi pour faire remonter le chiffre d'affaires qui est déjà en chute libre depuis 2012, mais qui va de nouveau être bien plus impacté encore. En termes purement comptables, c'est invivable. Les syndicats interpelleront la direction et les actionnaires la semaine prochaine. Un conseil d'entreprise aura lieu mardi, tandis que l'actionnaire principal de Carwal est attendu sur le site mercredi. Cette visite était prévue de longue date, mais l'annonce d'une fermeture de Caterpillar lui donnera inévitablement une autre dimension. Il y a l'inquiétude de beaucoup de travailleurs donc, mais aussi la colère des politiques après cette annonce de Caterpillar. Oui, tous les partis dénoncent cette décision. C'est un scandale, un drame, une catastrophe sociale inacceptable. Ce midi, une partie du gouvernement wallon et du fédéral ont rencontré les syndicats. Les autorités ont affiché leur union avec les travailleurs. Nous mènerons le combat à leur côté, clame le Premier ministre Charles Michel. Écoutez-le. On essaie comme gouvernement en Belgique, comme dans d'autres pays, d'attirer des grandes entreprises pour créer de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Et c'est vrai que quand ces grandes entreprises décident d'un coup de crayon de s'en aller, c'est un choc brutal. C'est ce que nous vivons maintenant. Et nous devons donc regarder comment on continue à moderniser structurellement notre pays pour attirer durablement des entreprises. Et ici, il y a un sentiment d'injustice, puisque le pays a fait de gros efforts pour la compétitivité des entreprises. On a baissé massivement les charges. Il y a des initiatives effectivement pour encourager un investissement de longue durée de l'entreprise en Belgique. Donc effectivement, il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment d'injustice. Mais on va se battre, on ne va pas se laisser abattre, on va se battre, on va batailler main dans la main avec les travailleurs, avec les familles. Au-delà des couleurs politiques, regarde dans la même direction et voit vraiment de manière presque militaire, hein, point par point, comment on peut faire valoir les préoccupations du pays et les préoccupations des travailleurs et de leurs familles. Charles Michel interrogé par Rudy Hermans. Et dans la foulée, les représentants wallons et fédéraux ont aussi rencontré la direction de Caterpillar. La direction du site de Gosselies seulement est venue, pas la direction internationale. Ils ont boudé l'invitation. Paul Magnette, le ministre président de la région wallonne et bourgmestre en titre de Charleroi, a entendu les explications de Caterpillar, mais pour lui, ils se comportent comme des voyous. Et donc les gouvernements qui veulent s'assurer de l'avenir des travailleurs et de la reconversion du site. La procédure Renault est donc enclenchée. Christine Borowiak, de quoi s'agit-il exactement? Et oui, c'est ce qu'on appelle la procédure Renault. Elle s'enclenche à partir du moment très précis où le Forem reçoit de la direction de Caterpillar un courrier d'intention pas recommandé. Eh bien, ce courrier est envoyé vendredi, il arrivera donc lundi au Forem. Et à ce moment-là, eh bien, la première phase démarre, la phase d'information et de consultation. Les syndicats posent une série de questions à la direction qui a obligation d'y répondre, et cela peut durer plusieurs mois. La deuxième phase, elle, est celle de la négociation. C'est à ce moment-là que le plan social sera négocié. Ici, la période de licenciement envisagée par Caterpillar devrait s'étaler entre avril et juillet 2017. Et tout cela, eh bien, n'empêchera pas les uns et les autres d'essayer de trouver des solutions alternatives. Les syndicats se battront jusqu'au bout, nous rappelle Jean-Marie Osselet. Il est le secrétaire régional de la CC Carolo. On doit trouver des possibilités, des pistes. Ça n'a jamais été facile. Hein. Quand on regarde à Vilvoorde avec Renault, ça a été fermé complètement. Chez Volkswagen, ils ont trouvé des solutions avec Audi. Donc, essayons. Il ne faut pas désespérer. Nous sommes là pour essayer de trouver des solutions. Enfin, la cellule de reconversion du précédent plan de restructuration, 1400 personnes licenciées en 2013, pour rappel, avait permis un taux de réinsertion de 55% pour les 751 travailleurs qui en avaient bénéficié. Et puis, il y a une heure, 150 personnes se sont rassemblées sur la place Charles II à Charleroi. Un rassemblement solennel en soutien aux travailleurs de Caterpillar. Dès ce soir, Charleroi devait aussi donner le coup d'envoi en grande pompe des festivités pour les 350 ans de la ville. Des festivités maintenues, mais dans un ton plus sobres. Elles sont aussi dédiées aux travailleurs de Caterpillar et à leurs familles. Dans le reste de l'actualité, un Français de 24 ans arrêté mercredi dernier à l'aéroport de Zaventem. L'homme est connu pour des faits de délinquance, mais aussi fiché pour radicalisation. Il portait un bracelet électronique. Il a été interpellé en possession de faux papiers. Son GSM et les effets qu'il avait sur lui sont en cours d'analyse. Il sera ensuite remis aux autorités françaises qui vont décider alors s'il doit être poursuivi pour des faits de terrorisme. Et à l'étranger, en France, à Calais, la jungle va être démantelée par étapes. La jungle, ce camp de fortune où s'entassent entre 7000 et 9000 migrants qui espèrent rallier l'Angleterre. C'est le gouvernement français qui l'a annoncé ce matin. Le gouvernement qui va intensifier les départs volontaires et créer 8000 nouvelles places dans les structures d'accueil. Une partie de la jungle avait déjà été démantelée en mars, mais cet été, de nouvelles arrivées massives de candidats à l'exil a rendu la situation intenable pour tous, les migrants, les habitants de Calais, mais également les forces de l'ordre. Pour les associations, en tout cas, qui viennent en aide à tous ces migrants, démanteler la jungle n'est pas une bonne solution. Et puis aux États-Unis, l'ouragan Hermine s'est affaibli, mais l'alerte inondation est maintenue. Les autorités craignent une montée des eaux meurtrières. 70 000 personnes sont sans courant pour l'instant. La faute au vent violent de 110 km/h et aux pluies abondantes. Les prochains États touchés par l'ouragan sont la Géorgie et la Caroline du Nord. Ils sont déjà placés en état d'urgence. Merci beaucoup Yasmina. On vous retrouve tout à l'heure. On retrouve la rédaction à 18h30. Et puis le journal des sports qui arrive dans quelques secondes. Mais tout de suite, on va faire un point RTBF Mobile Info. Comment ça roule à 18h09? Eh bien Cyril, on perd plus ou moins un quart d'heure sur le 411 Luxembourg-Namur avant Wallin. Ce sont des ralentissements signalés par la communauté Coyote. Donc si vous allez en direction de Namur. Et puis accident aussi sur le 25 de Château-Liège à Arres au kilomètre 36.9. Voie de gauche neutralisée et circulation à l'arrêt, nous dit-on, le temps qu'un hélicoptère se pose. Si vous allez donc en direction de Liège, vous allez devoir prévoir un peu de retard. Et puis sur le ring, encore plus ou moins une demi-heure perdue sur le tronçon Zaventem Grand Bigard. Ailleurs, les files sont habituelles. Sur le 411, pour quitter Bruxelles, patience entre Jesus Eyck et Overijse vers Namur. Sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, on n'est pas étonné. Vous perdez plus ou moins 10 minutes hein, suite aux travaux à Nîmes-Mézières si vous allez vers Valenciennes. Et enfin, des travaux auront lieu ce soir à partir de 20h sur la N4 Arlon-Namur à Martelange. Et sachez que la descente de Martelange, zone des stations essence, sera entièrement fermée. Donc à partir de ce soir 20h jusqu'à lundi 6h du matin. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vivacité, le journal des sports. C'est avec Christophe Durand. Bonsoir Christophe. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Un peu moins de 24 heures après la défaite de la Belgique contre l'Espagne, encore beaucoup de frustration dans le chef des supporters et aussi des Diables Rouges. Oui, chacun s'est lancé dans sa petite analyse aujourd'hui pour expliquer la déconvenue d'hier soir et une tendance semble se dégager. L'Espagne était clairement plus forte et les Diables ont une nouvelle fois manqué d'envie et de mordant, ce qui explique sans doute les coups de sifflet du public à la mi-temps et en fin de match. Difficile d'incriminer le nouveau sélectionneur Roberto Martinez. Ce sont plutôt les joueurs qui sont visés. Comment les Diables justifient-ils de leur côté leur manque de volonté? On voit cela avec Jérôme Elguers. Comme les spectateurs en tribune, les Diables ont trouvé ce match assez médiocre. Thomas Meunier n'a pas bien dormi la nuit dernière. Ça n'a tout simplement pas été miraculeux hier. C'était vraiment pas bon. Même nous, hier, on s'est dit bon, comment ça a été possible d'être aussi désorganisé, je vais dire, et d'être aussi faible. Meunier fait le mea culpa de l'équipe et apporte une réponse pour expliquer le manque d'envie. Si c'est pas là, déjà personnellement, si c'est pas déjà, je veux dire, ancré un peu en soi, il faut des fois pousser un peu plus loin. Et c'est très difficile de pouvoir inculquer vraiment une moralité de travail et de mentalité positive quand on joue en équipe nationale, puisqu'on n'a pas vraiment le temps par rapport au club où tu peux travailler sur ça toute l'année, même avec des psychologues parfois qui peuvent aider. Mais ici, bon, voilà, on se voit qu'à des moments courts. Je pense que c'est une remise en question à faire, surtout personnellement. Les Diables appellent à la patience et se veulent rassurants. À l'image de Yann Vertonghen, un rictus au coin de la bouche, il promet du changement. On a eu un ou deux entraînements. Ouais, qu'on va travailler, et pas contre la Chypre, pas la prochaine fois, mais qu'on travaille depuis quelques mois, ça va changer. Les Diables qui demandent donc encore du temps et du crédit à leurs supporters. Et en attendant, si vous cherchez à oublier la prestation décevante d'hier soir, sachez que l'Olympique de Marseille débarque à Namur ce soir. Oui, les Marseillais affrontent le Standard à 20h dans le cadre d'un match amical. Une belle affiche. Le stade des Bas-Prés où se jouera la rencontre sera plein à craquer. Les 4500 places ont rapidement trouvé acquéreur. L'OM, c'est un club prestigieux que connaît bien Michel De Wolf, un ancien Diable Rouge justement. De Wolf a terminé sa carrière à Marseille en 1995 et le club a marqué la vie du Clabécois. C'est un club qui est mythique, on va dire. La ville même, c'est quelque chose de fabuleux. Les gens qui sont là vivent pour le club. Quand je suis retourné pour l'inauguration de la nouvelle tribune et tout ça, ben, il y avait à ce moment-là 62 000 personnes. Bon, quand on s'imagine 62 000 personnes, mais c'était avec une ambiance, quelque chose de formidable. D'ailleurs, moi, quand j'y retourne, c'est pas compliqué. Hein. Si je retourne là-bas, je téléphone. Je demande est-ce que je peux avoir deux places pour ma femme et moi. Et ben, ils me disent OK, pas de problème, hop, c'est là. Et voilà, et c'est tout. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Ils sont vraiment, pour tout joueur qui a joué à Marseille, c'est quelque chose de fabuleux. Ils ne sont jamais oubliés. Michel De Wolf, interrogé par Arnaud Montero. En Formule 1, c'est officiel depuis aujourd'hui. Le circuit de Monza restera dans le calendrier F1 jusqu'en 2019. Un accord a été trouvé en ce sens entre la Fédération italienne du sport automobile et Bernie Ecclestone. Monza accueillera donc encore le Grand Prix d'Italie durant les trois prochaines saisons. Le contrat n'est pas encore signé, mais il le sera bientôt à Londres. Cette annonce met fin aux incertitudes qui entouraient le rendez-vous italien pour lequel le contrat Le Lyon à Monza prenait fin cette saison. Et pour fêter ça, on disputait les deux premières séances des essais libres aujourd'hui à Monza. Oui, et ce sont Rosberg et Hamilton qui se sont montrés les plus rapides. Les pilotes Mercedes ont chaque fois devancé les Ferrari de Raikkonen et Vettel. Notons qu'en marge de ces essais, Max Verstappen a été convoqué par le directeur de course F1 Charlie Whiting, qui lui a montré sur vidéo une série de manœuvres que le pilote Red Bull a effectuées à Spa dimanche dernier. Des manœuvres dangereuses pour lesquelles le Néerlandais n'a pas été sanctionné. Chose rare en F1, un drapeau noir et blanc pourrait être agité dès dimanche à Monza devant Verstappen en cas de comportement anti-sportif de sa part sur la piste. En cyclisme, c'est une information RTBF, l'équipe Wallonie-Bruxelles devrait franchir un nouveau cap la saison prochaine. Oui, selon nos informations, la formation dirigée par Christophe Brandt a introduit une demande auprès de la commission des licences de l'UCI afin d'évoluer en Continental Pro dès 2017, un nouveau statut qui pourrait permettre à l'équipe de participer à des courses comme à travers les Flandres, Liège, Bastogne-Liège ou encore le Tour des Flandres, un cap indispensable face à l'évolution du cyclisme. Même si pour le franchir, le budget devrait être doublé. Et on relaie aujourd'hui à la Vuelta, 13e étape, la plus longue, celle reliant Bilbao à Urdax. Une étape sur plus de 213 km, c'est l'Italien Conti qui l'a emporté en solitaire. C'est la première victoire du coureur de 23 ans sur un grand tour. Quintana conserve toutefois le maillot rouge de leader. Le Belge Whitens a quant à lui jeté l'éponge. Un abandon dû à la fatigue, a expliqué Jayan Alpecin, son équipe. Et puis on a appris aujourd'hui que la Vuelta partira de Nîmes l'année prochaine, une première. Le Tour d'Espagne ne s'est jamais lancé de France. Le départ de cette 72e édition aura lieu le 19 août 2017. Et puis toujours en cyclisme, Dan Olivier a décidé de revenir dans le peloton, un peu plus d'un an après avoir mis sa carrière entre parenthèses pour se concentrer sur ses études. La formation Lotto NL Jumbo a annoncé l'engagement du coureur néerlandais de 23 ans aujourd'hui. Enfin, en rugby, la France, l'Irlande, l'Italie et l'Afrique du Sud sont officiellement candidates à l'organisation de la Coupe du Monde 2023. Les fédérations de ces quatre pays ont déposé leur candidature avant la date butoir qui était fixée hier. On ne connaîtra le nom du pays organisateur du prochain mondial qu'en novembre 2017. En attendant, c'est le Japon qui accueillera la prochaine édition fixée en 2019. Merci Christophe pour ce journal des sports. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Et jusqu'à 19h, beaucoup de choses à faire, des cadeaux à vous offrir, je vous en parle dans quelques secondes. On reviendra sur les festivités aussi à Charleroi, ça démarre ce soir, les 350 ans de la ville de Charleroi, avec une fête forcément qui aura un goût amer, mais une fête qui aura lieu quand même. On va faire le tour d'ailleurs du programme de ce week-end dans quelques minutes. Le cactus de Jérôme de Warzé, d'habitude vous le retrouvez un petit peu avant le journal de 18h, mais on refera le débrief du match des Diables Rouges hier soir avec lui tout à l'heure avant 19h, c'est promis, les enfants de cœur. Candice viendra nous donner toutes les news

comment dire, c'est du DJing avec Henri PFR, deux magiciennes, DJ de mix, DJ Dan. Enfin voilà, c'est DJ jusqu'au tard. La nuit. Ouais. Ouais, ouais, et on sait que les Carolos savent faire la fête en plus. Donc, ouais. Alors ça, c'est pour ce soir et demain. Alors demain, là, c'est le plus grand public. Ça se passe sur les quais de Tendre. Oui, qui ont été refaits il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Où là, nous installons trois scènes. Ouais. Une scène principale et deux scènes annexes, si je peux dire. Et à partir de 16h, c'est quasi un programme ininterrompu. Puisqu'on démarre à 16h avec la scène principale d'un concert pour enfants avec Chantal Goya. Ah ben, on écoute un petit peu de Chantal. Ça va être sympa. Chantal Goya qui était l'invité du 5 à 7 hier. Donc ça, c'est demain à 16h. Et ensuite voilà. Juste après Chantal Goya, il y a l'arrivée du cortège folklorique. Ouais. Avec la participation de l'Homme Gang. Ça se fait sur les quais. Ça va être chouette, ça. Ouais. Juste après, on enchaîne avec à 20h un concert de Sold Out. Donc comme vous allez le constater, on s'adresse un peu à tous les publics, les enfants. Mais il en faut pour tout le monde, Bernard, voilà. Exactement. Quand Sold Out se termine, justement, changement de plateau sur la grande scène, ce sont les deux scènes annexes qui prennent le relais avec d'un côté du jazz, enfin un cover jazz avec les plus grands morceaux du jazz, ouais. Et de l'autre côté un cover plus traditionnel avec les grands morceaux. Voilà. Et puis quand le cover est fini, une chose assez étonnante et qui à mon avis va valoir le déplacement, c'est une drum battle. Donc en fait c'est un combat de batterie. C'est deux batteries, ça doit être énorme. Et un des deux batteurs, c'est Marc Isaïe, qu'on ne présente plus, donc, de Machiavel. Oui, et il se défend pas mal à la batterie, hein, quand même. Oui, c'est pas mal. Et en plus, pour donner un peu de peps, on va mettre un disjockey au milieu pour donner le tempo. Ah bah ça voilà. Va être fort, hein. Et puis, quand la drum battle est finie, les scènes annexes repartent avec jazz et cover band. D'accord. Et puis, on termine avec un concert de Suarez Best Of, et... concert qui se terminera par un feu d'artifice. Ah bah ça va être chouette, encore un petit peu de soirée, comme ça on se fait plaisir. Ça on l'entendra demain, Charleroi. Soirée avec Marc Pigna, bah c'est ça aussi, c'est voilà. Cette chanson-là par exemple. Un autre extrait voilà. Ou pas? Non, bah non, on mettra pas d'autre extrait de Suarez, non, on peut pas. On l'a plus dans la machine, mais c'est... vous savez pourquoi, Bernard? Parce que il faut aller demain à Charleroi pour entendre Suarez. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. Eh ben merci d'être passé ce soir dans l'émission. Merci d'avoir organisé ces 350 ans de Charleroi. On espérera que la fête sera quand même au rendez-vous pendant ce week-end. On n'oubliera pas forcément de penser à toutes ces familles qui sont touchées par l'annonce de la fermeture du site Caterpillar, annoncé ce matin donc à Gosselies. Merci Bernard et bon week-end à Charleroi. Alors à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Fois cette semaine, Candice Cotter est dans le 5 à 7. Bonsoir Candice. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors, est-ce que l'idée, les petits gars, d'avoir un potager vous a déjà traversé l'esprit? Ah ouais, mais c'est génial ouais. D'avoir ça à la maison. C'est tout bon, mais parfois on n'a pas l'espace, on n'a pas la main verte, simplement. C'est, aussi. C'est un peu mon cas, vous aussi. Mais ouais, c'est vrai, vous savez qu'un jour j'ai planté du potiron. Ah ça pousse bien. Eh ben j'ai réussi à ce que ça ne pousse jamais. J'avais des feuilles, mais il n'y a jamais eu un potiron dessus. C'est l'intention qui compte, c'est ce qu'il faut se dire dans ce cas-là. C'est vrai. Et je vous jure, c'est une vraie histoire. Et vous savez, il y a un Halloween par an, donc quelque part on peut cumuler les envies et se refaire un potager l'année après. C'est vrai, je vais retenter. Mais sinon, on peut penser à la culture du champi. Le champignon, ça demande généralement un peu trop de trucs. Du compost, un compost suffisant, de l'ombre, de l'humidité. Et le champignon, on va entrer en plein dans sa saison. Et c'est vraiment pas quelque chose qu'on pense mettre dans son potager parce que c'est trop de travail, simplement. Ouais. On sait pas trop comment faire. Plus maintenant, je vous propose de découvrir ce soir le Kitchen Mushroom Garden. Ah, donc, qu'est-ce que c'est ? Le jardin aux champignons à avoir dans sa cuisine. C'est une grosse boîte qui contient tout ce qui est nécessaire à la culture du champignon. On avait vu ça pour les chicons, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. En gros, des boîtes, il y a tout dedans, il n'y a plus qu'à, vous mettez ça dans votre cave, les chicons pullulent. C'est un peu l'idée, mais pour les champis. Et il y a plein de gammes de champis, plein de variétés. La base du compost, et c'est ça qui est aussi sympa, la base du compost qui est contenue dans la boîte est 100% végétale à base de café. D'accord. Et donc, vous avez vraiment l'équivalent de 100 tasses de café dans une petite boîte. Vous avez 100 espresso là-bas dans cette même boîte. boîte, on met le fond de la boîte dans un plat rempli d'eau, et en deux semaines, on ne doit pas attendre. Si vous avez des enfants qui sont tout pressés autour du truc, on a tous cette envie d'avoir les choses. On veut tout de suite le résultat. On veut le truc. Ça prend pas des mois. Donc en deux semaines, magie, on a notre récolte maison. Et ce qui est bien avec ça, parce que on a déjà vu des boîtes avec des champignons, etc., mais vous en avez quelques-uns. Là, vous avez un truc qui foisonne. Vous avez une récolte, vous en avez vraiment pour plusieurs plats de pâtes. En gros, c'est l'idée. Il y a plusieurs variétés de champignons à cultiver proposées par la firme. Je vous donne les références tout de suite. La boîte coûte environ 20 euros. C'est pas rien, mais vu la quantité de champignons que vous obtenez, c'est tout à fait convenable. Si on peut faire plusieurs plats, parce que les champignons, c'est pas donné non plus. Exactement. Les champignons, ça reste vraiment très cher. Et vous n'avez pas que des champignons de Paris. Il y a des très beaux champignons. Il y a des champignons japonais. Ils offrent plein de choses. Des champignons huîtres, comme on appelle ça, des oyster mushrooms. C'est vraiment, vous avez des choses absolument magnifiques sur ces boîtes. À www.espressomushroom, donc champignon café, champignon espresso, .co.uk. Et vous allez vous retrouver avec une boîte. Il y a des frais de livraison qui ne sont même pas excessifs. Donc sur ce coup-là, je dois dire qu'ils font ça bien. Et vous pouvez avoir un nombre incalculable de boîtes avec un nombre incalculable de variétés de champignons à exposer, surexposer. Et dans les deux semaines, vous avez vos petites merveilles. Je veux ça maintenant, je fais un caprice. Alors pour ce soir, comme il faut deux semaines, vous allez aller au magasin, mais sinon dans deux semaines, vous aurez vos champignons frais. Faut qu'il me les livre, ça va prendre un peu de temps. Merci Candice. À demain. À demain et à lundi même. À lundi. Ah oui, week-end. Demain, vous êtes là aussi. Dans 5 à 7. Oui, demain dans En Cuisine entre 8h30 et 10h30 avec Pierre Joie pour une émission spéciale raisin. Oh, autre chose que les champignons. On sera là demain matin. Vin, vinaigre, jus, on va se faire plaisir. Merci Candice. J'ai une question pour la suite de l'émission. Qui va gagner ses entrées pour aller au Mémorial Van Damme? Qui sera l'invité de Vivacité? Peut-être vous. Pour ça, faut jouer maintenant. Vous envoyez Mémorial par SMS au 60-03, c'est 75 centimes le message. Vous offre vos deux places donc pour l'AG Insurance Mémorial Van Damme le 9 septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles. Donc Mémorial par SMS au 60-03, c'est 75 centimes le message. Bonne chance. Juste après les news de 18h30, on retrouvera le cactus de Jérôme de Warzé. C'était ce matin dans le 8-9. Et puis encore des cadeaux et puis encore plein de choses, plein de surprises qui arrivent avant 19h, bougez pas. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Oui, bonjour, je suis bien aux urgences? Oui, je vous écoute. Alors, j'aimerais qu'on m'emmène d'urgence dans un Proximus Center. J'ai vu un Samsung Galaxy J5 pour 9 euros. Vous êtes aux urgences ici, madame? Mais justement, c'est une urgence. Foncez dans votre Proximus Center et recevez un Samsung Galaxy J5 pour seulement 9 euros avec un abonnement Smart Plus Phone 20. Infos et conditions dans votre Proximus Center. Proximus, infiniment proche. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quand il fait beau, le temps, je le fais rentrer par mes magnifiques châssis Bellisol. Et quand il fait vraiment beau, il peut même entrer par ma sublime porte Bellisol. Bellisol. Il y a des soirs. T'as fait tes devoirs? Check. Ta chambre est rangée? Oh, check. Allez, assez ses mails? Oh oui, double check. Qui ne changeront jamais. La vaisselle est faite? Check. Les poubelles sont sorties? Check. Allez, assez ses mails? Oh oui, double check. C'est ses mails, à savourer à tout moment, même le soir après une longue journée. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Cette semaine, dans le Vif Weekend Mode, c'est belge. Toute l'actu de la rentrée mode et l'hiver des créateurs belges. Votez pour votre créateur préféré du Weekend Fashion Award sur levifweekend.be et gagnez deux places VIP. Le Vif l'Express, pour ne rien vous cacher. Tu as réussi ta sixième technique ou professionnelle? Tu veux devenir infirmier hospitalier? Alors viens avec nous à l'ECNA Sainte-Élisabeth, une école dynamique et réputée, derrière la clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Dès la première année, tu auras 12 semaines de stage. Après une formation en 3 ans et demi, tu obtiendras ton brevet d'infirmier qui te permettra de trouver rapidement du travail. Ça te tente? Tu trouveras bien plus d'infos sur ECNAS.be, ECNAS.be. ECNAS 081 72 34 80. Je suis Sarah Koff, enseignante en optique à l'IPES Wavre. Savez-vous que l'IPES Wavre est la seule école à proposer l'option opticien en Brabant Wallon? L'option opticien ouvre les portes des magasins d'optique de renommée ou vous permet de créer votre propre centre. L'enseignement organisé par le Brabant Wallon forme au métier d'avenir. Plus d'infos sur brabantwallon.be. Oh. Voici les titres de l'actualité sur Vivacité avec David Riffon. Bonsoir David. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. La réunion entre la direction belge de Caterpillar et les ministres du gouvernement wallon, accompagnés de Charles Michel et Chris Peters. Cette réunion s'est terminée peu après 16h. Le monde politique voulait en savoir plus sur les intentions du groupe Caterpillar. Le pourquoi de cette annonce choc. L'annonce de la fermeture de Caterpillar à Gosselies a fait l'effet d'une bombe ce matin. 2200 emplois vont passer à la trappe. On y ajoute les sous-traitants, parfois uniques, de l'entreprise de génie civil. Au total, donc, jusqu'à 5000 voire 6000 emplois sont menacés dans toute la région. Qu'est-ce qui motive Caterpillar à fermer l'usine Carolo? La direction américaine l'a froidement et rapidement expliqué ce matin. Les coûts de production, la taille de l'entreprise, la surcapacité. La production sera délocalisée en Chine, au Japon, aux États-Unis, mais aussi à Grenoble, en France. Pour les travailleurs concernés et les représentants syndicaux, c'était le choc, la colère, l'incompréhension face à la décision, mais aussi en raison de la manière froide, cynique, purement comptable de l'annonce. Alors la suite maintenant, c'est la procédure Renault. Elle a été enclenchée dès l'annonce au conseil d'entreprise de la restructuration ce matin. Un groupe de travail va être créé pour s'assurer que la procédure d'information tout d'abord et puis de reclassement des travailleurs ensuite va être respectée par le groupe américain. Dans le reste de l'actualité, Cyril, on apprend qu'un Français de 24 ans a été arrêté mercredi dernier à l'aéroport de Zaventem. L'homme est connu pour des faits de délinquance. Il est aussi fiché pour radicalisation et porteur d'un bracelet électronique. Il a été interpellé en possession de faux papiers. Son GSM et les effets qu'il avait sur lui sont en cours d'analyse. Il sera ensuite remis aux autorités françaises qui décideront alors s'il doit être poursuivi pour des faits de terrorisme. Le parquet de Alvilvorde nous a confirmé l'arrestation de cet individu. Merci David, on vous retrouve tout à l'heure à 19h. La météo, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là, Dominique? Eh bien demain, on aura des nuages sur l'ouest et même une averse possible à la côte, mais de belles éclaircies qui vont se maintenir sur le sud et l'est du pays. Tout ça dans une douceur, un peu comme aujourd'hui, 22 à 25 degrés. Une zone de pluie assez active arrivera par contre dans la nuit de samedi à dimanche avec un renforcement du vent. Cette zone pluvieuse va encore se maintenir dimanche matin et l'après-midi, on passera dans une alternance d'averses et d'éclaircies. Attention que le vent accentuera cette impression de fraîcheur, une impression de fraîcheur qui va être confirmée d'ailleurs par des maxima compris entre 17 et 22 degrés. Merci Dominique. Connexion avec le centre Perex. Tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Marjorie Bilou, y a-t-il des soucis à 18h34? Oui, particulièrement sur le 25 Neuchâtel-Liège, car un accident à Arres au kilomètre 36.9 provoque eh bien, beaucoup de ralentissements et surtout 45 minutes perdues dans des files en direction de Liège. Donc c'est vraiment la difficulté de ce soir, le 25, avant Arres, du côté de Failly en direction de Liège. Sur le 19 Bruxelles-Valenciennes, là, vous perdez toujours un peu moins de 10 minutes suite aux travaux à Nîmes-Mézières vers la France. Du côté de Bruxelles, véhicule en panne avec une caravane dans l'échangeur du Carrefour Léonard. Si vous venez de le 411 qui vient de Bruxelles et que vous allez vers le ring direction Waterloo. Sur ce ring, eh bien, on perd encore 15 minutes sur le tronçon Zaventem Grand Bigard. Ça ralentit de Woluwe Saint-Etienne à Zaventem et de Strombeek à Grand Bigard particulièrement. E411, National 4, A54. Vous avez le choix, comme chez Cora. Ou chez Cora. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Bah on passe la fin de la semaine ensemble jusqu'à 19h. Il y a les enfants de cœur qui vont arriver, le best-of, les meilleurs moments de l'émission de dimanche dernier. On va partir à Bruxelles aussi. Il y a le festival, il y a la fête de la BD ce week-end à Bruxelles. Entre autres, ce soir, on verra avec Sophie Buzinaro dans un instant comment ça se passe. Je vous parlerai d'une nouvelle émission télé aussi, Lieux interdits. Ça reprend ce soir 20h50 sur la Une. Julie Morel sera avec nous avant la fin de cette émission. Et puis là tout de suite, c'est Vincent qui est là au téléphone. Bonsoir Vincent. Bonsoir Cyril. Vincent, vous avez votre propre jingle pour arriver à l'antenne, c'est pas mal ça, c'est un accueil de star. C'est génial. Vincent, vous êtes de quelle région? Bonny, tout près de Péruet. Et vous allez faire la route jusqu'à Bruxelles, puisque vous avez envoyé votre message pour repartir avec des entrées pour aller au Mémorial Van Damme. Eh bien j'ai le plaisir de vous dire ce soir que vous êtes l'invité de Vivacité le 9 septembre. Merci Cyril. Eh ben, de merci rien. Vivacité. Avec plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end et bon mémorial. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Et les cadeaux, c'est pas terminé. J'en ai un autre pour vous tout de suite. À l'occasion du Beauvélo de Ravel qui se déroule encore pendant quelques semaines. Vous savez que ce week-end, étape à Pérouet, vous allez pouvoir repartir avec des invitations pour aller découvrir la citadelle de Dinan.

Alors en ce moment, je suis au Parc Royal, donc à Bruxelles. C'est le festival de la BD, comme vous l'avez dit. Ça a débuté à 15h précises et j'étais là peu avant. Et je peux vous dire qu'il y avait déjà pas mal de monde. Il fallait même faire la file, mais ça dure 3 jours. Donc rassurez-vous, vous avez jusque dimanche pour venir. Ça se terminera à 18h. Donc vous avez le temps. Et il y a quoi à faire alors? Parce qu'on entend qu'il y a du monde qui est en train de marcher autour de vous. Mais qu'est-ce qui se passe? On s'installe, on lit une BD, c'est ça qu'on fait pendant tout le week-end? Il y a énormément de monde, énormément d'animations différentes. Donc évidemment, le week-end tournera principalement autour de la BD, du dessin, des comics aussi. Il y a 4 chapiteaux, donc vous avez le temps de faire une balade. C'est très divertissant, il y a beaucoup de choses. Il y a des livres évidemment à vendre, à dédicacer. Et il y a des conférences, des animations, des expositions, des rencontres avec les auteurs. Il y a même des dédicaces. Il y a aussi, j'ai croisé, pour tout vous dire, un schtroumpf géant. C'est pas Spirou vrai géant. Oui, ils mettent l'ambiance et c'est assez sympathique. On n'a vraiment pas l'impression de se trouver dans le centre de Bruxelles. Donc ça, c'est assez agréable et c'est un peu le rendez-vous BD incontournable de l'année. Donc je vous le conseille. Et puis un truc trop chouette aussi, on a croisé un petit train et il vous emmène dans les moindres recoins de Bruxelles, nous faire découvrir des lieux incontournables. Donc pour les fans du 9e art, c'est pas mal. Et ça fait quoi d'être face à un schtroumpf, Sophie? Bah écoutez, il n'y avait pas que ça, ils étaient nombreux, donc j'étais un peu timide, j'avoue. Mais les enfants ont apprécié. Hein. Ils couraient autour, c'est sympa. Que ça, ici, il y a vraiment. C'est ça qui est. Le personnage qu'on voit dans la BD, on le voit en vrai, c'est surprenant quand même. Voilà, et c'est assez agréable, c'est vraiment une ambiance très familiale. Autant il y a des collectionneurs, il y a des fans de BD qui sont sur place, mais il y a également beaucoup de familles, puisque c'est l'occasion, un vendredi soir, pour débuter le week-end, de faire une petite sortie. Et puis Cyril, une autre précision, et pas des moindres, il y a les food trucks qui sont là. Donc si vous avez une petite fringale ou envie de vous désaltérer... Ah, vous savez comment attirer même ceux qui ne sont pas fans de BD, là. Voilà, et vous comme moi, on a un peu des estomacs sur pattes. Et donc, suffit de suivre l'odeur. Il y a du tout. Des churros, des pâtes, des burgers. Bref, vous l'aurez compris, Cyril, je serai obligé de repasser par là à la fin de l'émission. Ah, bah j'ai bien l'impression. Et Sophie, vous rappelez les infos pratiques, donc c'est jusqu'à dimanche. Exactement, jusqu'à dimanche, 18h, au Parc Royal à Bruxelles, Festival de la BD, entrée gratuite tout de même. Il y a un parking aux alentours, ça par contre c'est payant. Et donc voilà, vous pouvez vous balader dans 4 chapiteaux différents. Franchement, ça prend la journée, je pense. Hein. Ah bah super, merci Sophie. Et bon appétit alors, puisque c'est ça que vous allez merci, faire. Merci, je penserai à vous. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe? Ah là là là, il y a toute l'équipe qui arrive en studio. Attention Dominique, vous allez vous brûler les doigts. Attendez, je souffle mes bougies pour mon anniversaire. Voilà. Ah voilà, et les 3 d'un coup en plus. Ah ben merci, c'est super sympa l'équipe qui est venue avec une petite surprise. Alors je rigole parce que c'est une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment et donc l'équipe me la met en cadeau. Elle est belge en plus, Fanny Negesha. Elle fait pas que de la chanson, elle est aussi mannequin. Enfin voilà, allez vous renseigner sur la personne. Il est 18h44, on continue l'émission, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la bouteille. On ouvre la bouteille, je pense. Ah ben merci. Ah ben c'est sympa. Chouette surprise pour mon anniversaire. On va écouter Marc Toesca pour Pop Story. Ben lui, il aura pas de bulle. Voilà, lui, il aura pas l'occasion parce qu'il va justement vous raconter l'histoire de vos hits comme tous les soirs. Ah, j'aime bien ce bruit-là. Comme tous les soirs dans le 5 à 7. Voici Pop Story donc sur Vivacité. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Il y a bien un sport que les auteurs de tout style et toute génération ont su célébrer avec classe et talent, c'est la boxe. Je vais te péter la gueule. Regarde ça. Le noble art et ses légendes peuplent la grande histoire de nos hit parades, comme ici en 1968, lorsque Claude Nougaro met KO les ondes de nos radios et télévisions nationales avec le percutant 4 boules de cuir. 4 boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Déesse de pierre, 4 boules de cuir, mes poings contre les siens, moi le jeune puncher, boxe, boxe. Un an après le match d'anthologie qui opposa à Kinshasa Mohamed Ali et George Foreman, Johnny Wacklin enregistre Black Superman Mohamed Ali, tout à la gloire du plus grand poids lourd de tous les temps. Bien que ce soit en 75 un des tout premiers 45 tours de reggae classé numéro 1 un peu partout dans le monde, son auteur Johnny Wacklin n'est ni Rastafari, ni Jamaïcain, mais tout ce qu'il y a de plus anglais et originaire de Brighton. The

Les Space X Awards vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les fins des années 60 et 70 et les fameux 6 heures historiques. Programme complet sur spacexawards.com. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec vivacité. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Avant de retrouver les enfants de cœur dans un instant sur Vivacité avec le best-of avant 19h, on va accueillir Julie Morel ce soir dans le 5 à 7. Bonsoir Julie. Bonsoir Cyril. Julie, on va vous voir ce soir à la télé. Lieux interdits, c'est la rentrée à 20h50. On va voir quoi cette saison dans l'émission Julie ? Mais on va voir plein de choses, mais ce soir, ce qu'on va voir, vous avez peut-être entendu la petite bande-annonce pendant la pub. On n'entend que ça. On va aller dans les coulisses d'un grand paquebot de croisière, comme il y en a beaucoup sur la mer aujourd'hui, notamment en Méditerranée. Un paquebot où on trouve à peu près 6000 personnes, et donc cette ville flottante, ça fait du monde. Pour organiser tout ça, la logistique est assez impressionnante sur ce type de paquebot, et donc c'est ce qu'on va visiter ensemble. Et puis on fera quelques escales dans les coulisses de l'industrie touristique, donc on sera notamment dans les coulisses du Center Park, on sera dans les coulisses de l'entreprise Quechua aussi, qu'on connaît tous parce qu'elle fabrique notre matériel de camping pour beaucoup d'entre nous. Et puis on sera aussi à Dubaï. Dubaï, c'est vraiment la destination à la mode. La ville prétend devenir la première destination touristique du monde d'ici peu. Et elle est bien partie pour ça, et on verra qu'elle met les moyens. Vous avez trouvé le bon plan pour voyager, Julie, en fait? Ou alors, on vous arnaque et vous ne pouvez pas partir, vous? Je peux partir un peu. Je ne peux pas partir partout, mais je peux partir un peu. C'est sympa, ça. C'est vrai qu'il y a pire sur l'émission, je dois bien l'avouer. Et puis après, l'émission continuera au fil des prochains mois, et on découvrira toute une série de lieux, notamment à Monaco. On découvrira aussi les coulisses du monde de l'aviation. C'est assez fascinant. Et puis, on consacrera aussi une émission aux collections exceptionnelles. Et là, c'est vrai qu'on a eu aussi accès à des collections privées qui sont tout à fait remarquables et inconnues, puisque ce sont des collections privées. Et donc, voilà, c'est un peu le programme. Eh bien, on suivra ça. Donc, première émission du retour ce soir, 20h50. Et vous parlez de collection. Vous collectionnez quelque chose, vous, Julie ? Moi, en l'occurrence, je ne suis pas collectionneuse du tout. j'ai essayé beaucoup de choses, comme beaucoup d'enfants. J'ai essayé les timbres, les pièces de monnaie, les bouteilles de parfum, mais... Boule à neige, vous avez fait ou pas? Quoi ça? Boule à neige, parce qu'on se moque de moi. Parce que, alors, j'ai plus, mais j'ai eu pendant des années une collection de boules à neige. Il paraît que c'est ringard, votre avis? Je le partage. D'accord, bon j'ai bien fait de les jeter alors. Merci Julie, on vous retrouve ce soir à 20h50 sur la Une. À bientôt. Voilà, merci. Au revoir. Merci. 18h54, au revoir. Il est l'heure de retrouver le best-of des enfants de cœur avec Fabien Lecastel. Les enfants de cœur. Place à la musique, place à la parodie. Fabien Lecastel, le retour. Ouais. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de Vivacité. Alors une fois n'est pas coutume, je vais chanter pour la rentrée la première chanson, la chanson des enfants de cœur. Cette année, ce sera sur une chanson de Joe Dassin, l'équipe à Jojo, qui pour l'occasion s'appellera l'équipe à Gigi. Jean-Jacques Brunin, évidemment. Musique. La planche à voile, les barbecues, le pédalo, des vacances et la fin. Plus de cap d'acte à poil, tout le monde a repris le boulot, au moins jusque juin. Mais ne trouve pas ça moche, que tu sois prof ou cheminot, serveur dans un resto, c'est toujours les vacances. Avec les enfants de cœur à la radio, Si tu allumes ton transistor, tu vas retrouver Cody James Dino, Jérôme de Warzé, Bourdon Jean-Michel et les Barakis dans l'équipage IG. Tu vas sûrement pleurer de rire devant ton grippin ou dans ta voiture les dimanches matins. Ils sont un peu fous, cette bande de copains, c'est l'équipage Brunin. On change tout le temps de commune, Florence, Charleroi, Bénezé, oui, Pion, as-tu s'y mets? Viens donc dans les tribunes, dans l'émission, les voir en vrai. Si tu allumes ton transistor, tu vas retrouver Cody James Dino, Jérôme de Warzé, Bourdon Jean-Michel et les Barakis dans l'équipage Gigi. Tu vas sûrement mourir de rire dans ta salle de bain ou dans ta voiture les dimanches matins. Ils sont un peu fous, ces bandes de copains, c'est l'équipe à Brunin. Merci. Les enfants de cœur, on les retrouvera dimanche sur Vivacité, soyez là, parce qu'on va bien se marrer encore dimanche matin à partir de 9h sur Viva. Dans un instant, c'est le Tip Top, la quotidienne qui arrive. Juste avant, quelqu'un va repartir avec des cadeaux. Qui est avec moi au téléphone? Allô, bonsoir, Sylvie. Comment ça va, Sylvie? Bonsoir, Cyril. Ça va très bien. Bon anniversaire. Ah ben merci, c'est gentil, Sylvie. Pour mon anniversaire, je vous offre des cadeaux. Vous partez à la Citadelle de Dinan grâce au beau vélo de Ravel, 365.be et Ciné-Télé Revue. Voilà, c'est cadeau. Ah ben c'est super, merci beaucoup. Eh ben de rien, je vous fais des bisous. À bientôt Sylvie. Oui, à bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir, oui, oui. Bonsoir. Au revoir. Philippe Jugnot. Bon anniversaire. Attends, il va faire beau ce week-end. Ah ben vous chantez tellement bien. Bon anniversaire, mes vœux les plus sincères, Cyril. Merci Philippe, c'est gentil. Ça va bien se passer le Tip Top jusque 20h. Bah, surtout votre week-end qui va bien se passer à mon avis. Ah bah il va y avoir de la fête, je vous le cache pas. Bah j'imagine. À lundi Cyril, on arrive avec Enrique Iglesias après les infos. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous lundi dès 11h sur Vivacité. Hé hey maman, on joue au supermarché. D'accord mon cœur. Alors je voudrais un kilo de... Tu dois d'abord trouver une place de parking. Ah ok, voilà. Je Et vous... ton caddie? Ah oui, bon alors je voudrais... Hé hey, la madame, dans la file comme tout le monde. Mais enfin je... Renfort caisse. Oubliez le stress du supermarché. Faites vos courses sur wink.be, le supermarché 100% en ligne qui livre aussi à domicile. Profitez vite de moins 10% sur tous vos achats pendant un mois, ouais, de la première livraison gratuite et d'un kit rentrée des classes en cadeau. Ouais. Wink.be. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. C'est la rentrée, mais on est encore de sortie. Nous vous attendons samedi au pied des éoliennes de Perouet, dans le Brabant Wallon. Nous aurons toute la place pour pédaler entre le domaine viticole de Melmont, le prieuré de Malève-Sainte-Marie-Ouestine et Torrombelle-et-Béguine. À l'arrivée, juste avant l'apérobic, le grand retour des Charlots. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Olivier, qu'est-ce que tu fais? J'inspire le quartier. Comment ça? Je participe à l'appel à projet de Bruxelles Environnement pour lancer un potager collectif ou un atelier cuisine avec mes voisins, par exemple. Et ils offrent un accompagnement et un soutien financier. L'objectif, c'est de rendre le quartier plus durable. Génial! Je participe. Inspirons le quartier. Plus d'infos sur environnement.brussels ou appelez le 02 775 75 75 ou rendez-vous à la séance d'information du 20 septembre. Bruxelles Environnement. Ton abonnement tech via un self ou l'eShop et gagne une rencontre exclusive avec Christophe Maé et plein d'autres cadeaux. Je te prépare un moment incroyable. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Toutes les infos sur infotech.be. L'eShop existe aussi en version mobile. Easy. Simplicité sur toute la ligne. Il est 19h. David Riffon, bonsoir. Les ministres du gouvernement wallon, accompagnés du Premier ministre Charles Michel et du ministre fédéral de l'Emploi Chris Peeters, ont rencontré les syndicats puis la direction belge du groupe Caterpillar cet après-midi. Cette direction se dit elle-même sous le choc après l'annonce ce matin par les responsables américains de la probable fermeture du site de Caterpillar et le sacrifice de 2200 emplois. Y a-t-il moyen de limiter cette fermeture, de la moduler? C'est trop tôt pour le dire, comme l'explique le responsable belge de Caterpillar, Thierry Hansen.